Et rendez-vous demain soir, on sera là à partir de 20h sur Fun Radio ce soir. Oui, Karima. Et à 19h avec la tweetcam. Absolument. Avec les questions, hashtag LoveInFunNTC. On répond absolument tous, que vous m'envoyez des messages pour savoir. Il n'y a aucun sujet, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez savoir l'âge de Karel ou l'activité préférée du doc, et bah allez-y. Hashtag LoveInFunNTC. Ou comment mettre une capote, Karel va vous montrer. Bien sûr, je peux tout faire. Pas de problème, rendez-vous demain. Cam, on va voir. À partir de... Bah, je la mettrai en direct, pas de problème. Je te la mettrai, Doc. C'est cela, oui. Comme ça, on va voir ta tub. Rendez-vous demain, 19h, ça donne envie. Là, tout le monde va se connecter. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Salut. Ça va bien, Mickaël. En forme? Ah oui, oui. On a du souci à se faire, Mickaël. Ah bon, pourquoi? Le Doc est devenu animateur sur Fun Radio. Tu veux que je te fasse écouter sa petite intro de disque? Oh mais moi non, je mais le connais. Tu sais qu'en fait la vérité cet escroc était parti mais je sais pas où avec une fille d'ailleurs et c'était un peu long parce qu'il est un peu long maintenant. Ah oui là bah oui mais c'est normal c'est là. Mais tu sais moi je l'ai connu avec Doc and Roll donc animateur je le connais hein, le Doc. Hein. Ah oui non mais attends là il a été exceptionnel écoute ça. 20h-23h sur Fun Radio 01-42-48-5000 vous appelez pour tout ce que vous voulez. Dans un instant on va retrouver Julie qui veut réaliser son fantasme coucher avec un mec marié et Edith qui ne sait pas dire non. Tout de suite les riottes Nicolas. Non, c'est bien. Hey, écoute, Fun voulait faire des économies donc Karel bah tu vas prendre ton chèque et puis tu vas rentrer chez toi. Eh ben je pars, je m'en vais. Arrête, tu vas me le vexer là. Oh mais non, mais non, mais non. Oh c'est peu de chose. Eh oui, bon bah bonne soirée. Salut, salut, salut, ciao, à demain. Et, à demain. Et puis nous on est parti jusqu'à 2h comme tous les soirs. Ciao. C'est mon disque lit. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Ça va, Anthony? Toujours. Tiens, c'est quoi l'âge de ta première cuite? Je sais plus. T'en as peut-être jamais eu? Je sais pas non plus. Est-ce que tu bois de l'alcool? Très rarement. Ce n'est pas ni oui ni non, hein. C'est pas grave, Anthony. Mais depuis que je t'ai parlé, j'ai envie de toi, c'est grave. Bah écoute, c'est très gentil. Tu ne penses jamais à Toff? Si, Toff, je l'adore. Ah. Je lui mets plein de doigts dans les fesses. Mickaël No Limit pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir, que vous avez passé une bonne journée et que vous avez passé de bons moments, peut-être au bahut ou peut-être en congé, parce qu'il y en a qui sont en congé aussi, hein, notamment toute la Belgique qui est en congé pour l'instant. Oui, c'est évidemment les seuls, ça arrive. Les seuls pour le moment. Pour l'instant, c'est les seuls, hein. Ils démarrent en premier, mais problème c'est qu'ils termineront premier aussi. Hein. Mais Paris les rejoint vendredi. Et Paris, et Bordeaux exactement, aussi. Paris, Bordeaux, tout ça, ça rejoint vendredi, il n'y a pas de problème. Nous, on est au taquet du régime, là, évidemment, hein. On a commencé le régime depuis la semaine dernière. Régime donc spécial ventre plat. Oui. Voilà, on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. On diminue doucement. Bah pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, en plus il nous donne la pêche, le régime, donc c'est plutôt bien. Hein. Ouais, ce soir, on va encore avoir une bonne émission, en tout cas j'espère. Vous aurez quelque chose à écouter. Je suis en train de complètement être perdu moi. Je disais que vous allez enfin avoir quelque chose à écouter à la radio. Ah bah la bonne heure, j'y suis arrivé. 23h, 2h, heureusement que je disais juste avant que le régime donnait la pêche. Voilà, 23h, 2h, on est sur Fun Radio tous les soirs. Prévenez vos potes s'il y en a qui sont pas encore au courant. Et puis le dimanche de 20h à minuit également, on accueille Mehdi. Salut Mehdi. Salut tout le monde. Comment vas-tu Mehdi? Oh mais très bien. Hein. Bah tant mieux, écoute, plutôt pas mal Mehdi. T'as passé une bonne journée? Oh oui, ça va, super. J'ai passé la journée à me branler sur la photo de Toff. Ah, te branler sur la photo de Toff? Bah ouais. Ah ouais, bah écoute, est-ce que tu éjacules dessus? Merci Toff. Oh mais oui, hein. J'ai des occupations. J'aime bien ça. Très intéressante, Mehdi. Très, très, très intéressante. Bon, t'appelles d'où toi, Mehdi? D'Algérie. Ah oui, juste à côté, quoi. Bah ouais. Bon, je suis déjà passé à l'antenne plusieurs fois. Oui, je me souviens, t'es où? T'es à Alger ou t'étais où? Non, t'étais pas à Alger, t'étais où toi? Je me souviens plus. À Oran. À Oran, exactement, ouais. Bon, et on va parler de quoi avec toi, Mehdi, voilà. Ah bah, il y a une fille qui n'arrête pas de me sauter dessus et me faire des griffures dans les dos. Qui te saute dessus, qui te griffe très bien. Si vous aussi vous avez déjà été maltraité par les filles, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et puis ceux qui sont en Algérie, qui sont au Maroc, qui sont au Canada, qui sont même aux États-Unis, bref, partout sur terre, même en Suisse, hein, cela dit, c'est à côté, ouais. Même au Luxembourg. Vous pouvez nous appeler également à 00 33 1 42 48 5000. Voilà, ça marche aussi. Vous appelez, on vous rappelle direct derrière, donc comme ça vous coûte pas un rond. Non, je voulais savoir attaché dans les caves, ça compte? Non. Ah bon. Non, ça compte pas évidemment. Bon, et Sandro qui a passé une bonne journée également, Sandro, hein. Elle est busy. Qui a fait son régime puisqu'il a été manger un Burger King. Ouais. Burger King pour le régime, je pense que c'est bien trouvé. Tu non sais... mais on m'a forcé. Oui bah c'est ça. Ouais. Je suis en train de trafiquer un 2 mètres ruban pour en faire un seul pour Sandro. Oui, bah, parce que sinon avec un seul ça rentrera plus. Je dirais que mon bide est énorme là. Ouais, ah bah ah, donc, ça va être bon, ça va ouais, être mais moi je suis pas en régime les gars. Ouais ouais c'est ça ouais. Bon en tout cas on va faire le tour du ventre. Hein, ah oui, le tour du bide. Tour de taille tout à l'heure pour voir si on a encore perdu ou pas. Tof qui a également toujours le soutien de ses amis. Non bah arrêtez de prendre pour une conne, non mais attends. Bah oui. Je vais t'enculer toi et ta putain de mère et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Voilà c'est ça, donc là Tof en l'occurrence peut parler hein. Ah bah oui. Bah oui voilà, on bah va oui. On fera d'autres appels tout à l'heure avec un très bon sujet sur lequel je suis tombé tout à l'heure dans le bureau. Nous aurons l'occasion encore de faire de magnifiques appels. Ah. Si vous avez d'ailleurs des numéros de téléphone à proposer à Tof. Ah oui, on plein peut s'appeler, hein. Ah, d'ici même pas une demi-heure, d'ici une bonne vingtaine de minutes, eh bien vous envoyez ça sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Polo qui a son le soutien également de l'armée des doux, hein. Ouais, l'armée des doux. Eh oui, les doux, c'est tous les auditeurs qui n'ont pas encore mué. Et qui sont considérés, qui font partie intégrante de l'armée des doux. J'ai reçu 2-3 mails de doux qui veulent être intronisés. Vous serez intronisé dans Polo contre le reste du monde. Exactement, voilà. Mais pour ça il faut être là d'1h55 à 2h. Sans mauvais jeu de mots, hein, vous bien serez entendu. Vraiment intronisé hein. Évidemment, évidemment. Et il y a un message de Rémi qui dit possible d'avoir un message de bienvenue. Bah évidemment. Bah main dans ta gueule aussi, tu vas l'avoir, non. Bah voilà. Et la friterie Elba également qui dit salut Mickaël et à toutes et à tous, j'ai compris, vous faites la place pour le vin, vous avez raison, donc le régime c'est du tabou. Oui, alors le vin, on fera l'émission en direct de Charleroi, la friterie Alba, hein, donc c'est un dimanche, 20h minuit, on fera l'émission donc depuis la friterie. Je compte sur vous pour que vous veniez au maximum, faites blinder tout ça, et puis il y aura surtout Tof qui va cuisiner, moi je serai à la caisse, et puis Polo qui fera le service. Exactement. Je pense que ça va être très beau. Franchement, Tof et Mickaël, des voix trop sexy, je vous kiffe, continuez, vous êtes des mecs bien. Ouais. Bah alors la mienne, je comprends, mais celle de Tof. Je comprends pas, mais c'est pas grave, je prends le compliment quand même. Ah bon, écoute, moi même changer le micro tellement on oui. a mis ma voix en avant. Ah oui. Bon. Mais d'ailleurs, attends, je trouve que tu as une beaucoup plus belle voix. Attends, j'essaye. Salut. Oh, je me kiffe. Ouais. Parce que une demi-molle, hein. Ah oui, oui. Ah oui, ah oui, oh, ouais, oui. Il y a moyen de faire jouer de la meuf avec ah, ça. Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, peut-être. Julien également, j'avais un pote, mais elle te mordait, te griffait comme ça. Ah oui, c'est original. Bon, en tout cas, on va en parler hein, de tout ça dans quelques minutes. Avec toi, Mehdi, on a également Camille de Tulle, en Corrèze. Salut, Camille. Ouais, je t'ai bien. Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Ah, je suis très déçu, je m'attendais à voir une fille. Je croyais qu'on allait avoir une fille avec une voix charmante. Hey. Et en fait, wesh ma gueule, bien ou bien. Bon, bah, bienvenue Camille quand même. Hein. De toute façon, c'est pas grave, on n'est pas déçu. Un petit peu, mais ça pas fait trop quoi. Ça fait vraiment bizarre. Le prénom et la voix du mec. Grave. Moi, bon, je revoyais encore la meuf qu'on a eu il y a deux jours du bachelor. Là, Et qui passe nous voir demain d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Heureusement, elle va remonter le niveau en termes de voix. Bon, alors Camille, toi, tu nous appelais pour faire la colle et pour tenter de repartir avec un écran plat. Ouais. Eh ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite, Camille. Fais péter la colle maintenant, on t'écoute. Quelle est la différence entre Tof et sa photo? Quelle est la différence entre Tof et sa photo? N'importe quelle photo ou une photo en particulier? Ben la photo de lui. D'accord, bon, n'importe laquelle, donc absolue. La bite. Voilà, est-ce que c'est la bite? Non. Bon, très bien, c'est pas grave. Si vous avez la bonne réponse, eh ben allez-y, vous envoyez Mickaël, suivi de votre réponse, envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi, bien entendu, vous inscrire. Je vous mets la colle dans une minute sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Il suffit d'aller lire la colle et puis d'y répondre. Si vous êtes tiré au sort d'ici une bonne heure, une heure et demie, on fait ça à minuit 30 en règle générale, eh bien vous repartirez avec votre écran plat 32 pouces où tu vas pouvoir regarder la Coupe du Monde, Camille. Si tu suis le foot, en tout cas, je sais pas si tu vas suivre ou pas. Non, j'aime pas le foot, c'est pour les TD. On dirait Polo qui parle. Ouais. Bah, c'est bien, bah, tu vas pouvoir faire du jeu vidéo, n'importe quoi. Bref, t'auras l'écran plat quoi qu'il arrive. Si tu gagnes, en tout cas, je pense que c'est une bonne chance. Par exemple aussi, ouais. Bon, bah allez-y, vous vous inscrivez. On vous donne la réponse avant minuit 30. Il y a Mathieu qui dit salut Mickaël, comment ça va? Est-ce qu'il y est plus le scout de Tof? Bah, si, il est toujours là, mais bon, tu sais, il a évolué maintenant, Tof. Hein. Il prend plus trop son scout là. Maintenant qu'il est. Maintenant qu'il se la ramène, il prend l'autolib. Il a évolué quoi. Mais... Voilà, le scout est toujours là, rassure-toi, il n'y a pas de problème. Il y a Mathieu qui dit salut Mickaël, comment ça va? Jonathan qui dit salut l'équipe, je vous fais découvrir à mes potes, on est en soirée, on vous adore, dédicace à Christopher et tout le 7-6. C'est cool ça Jonathan, c'est bien de faire découvrir l'émission à tes potes. Pour peu qu'ils écoutaient une émission chiante juste avant, ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont plus obligés d'aller au bagne tous les soirs. C'est vrai, ouais. C'est vrai quand même. Et ça c'est beau. Bah oui, c'est vrai. Et ça c'est beau, enfin ils sont libérés. Bah oui, on est là sur Fun Radio, s'ils écoutaient notre radio, et ben voilà, c'est fait, 23h, 2h tous les soirs et 20h minuit tous les dimanches. Il y en aura Valentin également là de Marseille. Salut Valentin. Salut Mickaël. Ça va bien? ça va, ça va. Bon, tiens, tu veux écouter un son en particulier, toi, Val? Non, non, pas, pas en particulier. Pas spécialement. Sita. De quoi, quoi, Valentin? Basto, Sita ou Martin Garrix. Martin Garrix, ouais, bien sûr, ouais. Allez. En plus, t'avais sous la main, c'est facile. Voilà, proxy, bon, on le mettra tout à l'heure, du coup, hein, sans problème. Et toi, Mehdi, un truc en particulier, t'as envie d'écouter? Pour peu qu'on le reste, évidemment. J'aimerais bien écouter Martin Garrix, Animals. Ah, bah, on va mettre l'un ou l'autre, on va pas mettre les deux, alors. Bon, Animals, tu veux, ouais. Ça te va, toi, Valentin, ou pas? Ça me va, nickel. Ah, bon, bah, alors, on mettra Animals tout à l'heure, là, on va noter ça pour le passer tout à l'heure, le son d'Animals, sans problème. Bon, bah, Mehdi, alors, toi, tu vas nous parler dans quelques minutes d'une meuf que t'as rencontrée au bahut, qui te saute dessus et qui te griffe, c'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, et t'es en quelle classe, là? En première quoi? En première année. En première année, d'accord, ok. Comme t'avais 19 ans, c'est comme t'es en Algérie, je me demande. Parce que comme en France, c'est les classes c'est particulier, ouais. En Belgique c'est encore différent, ouais. En Algérie, je me demandais si c'était peut-être encore différent. Ah bah puisqu'on parle de classe, je voulais parler des profs également. Ah. Je vais vous mettre. Ah ouais non mais attendez, parce que là c'est quand même assez exceptionnel. Je vais vous le mettre sur le Facebook et sur le Twitter de l'émission, donc tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Je vais mettre donc quelques photos sur le Facebook de messages un peu marrants de vos profs. Enfin, c'est surtout des élèves. Ah ouais, en fait, mais les élèves. C'est les réponses aux conneries des élèves. Non, c'est les réponses à des questions. Donc les élèves répondent, ouais, à des questions normales, une interro, sauf qu'ils répondent complètement à côté, voire en mettant une petite touche d'humour. Sauf que les profs le vivent relativement mal en règle générale, comme par exemple le théorème de Chuck Norris. Le prof l'a mal vécu, hein. Très très mal vécu. C'est à mourir de rire. Ou la réciproque du thé, hein, où il avait demandé s'il existait le même pour le café, par exemple. Donc venez nous dire si vous avez déjà eu, si vos profs ont déjà écrit, et si vous avez la photo, envoyez-la nous également, hein, si ils ont déjà écrit sur vos interros, par exemple. Alors je la poste maintenant, la photo. Oh là là, quel enculé ce Facebook là, qui m'a nouveau tout niqué là. Oh là là. Bon bah je vous la mets dans quelques minutes juste après la pub. Bougez pas de là, c'est Mehdi qu'on va retrouver dans quelques minutes. On aura Virginie, on aura le je t'emmerde ce soir. Et comme chaque mercredi, nous allons jouer au karaoké. Exactement. Donc si vous voulez vous inscrire, eh ben vous nous appelez maintenant, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y aura Clean Bandit dans quelques minutes. Rather be. C'est ce qui va débarquer sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël, No Limit. Bougez pas, on revient en 10 secondes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Fun Radio, No Limit. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Et on est toujours en direct sur Fun Radio, évidemment, tiens, avec Vive les Sodomites qui dit mon prof a déjà écrit sur une interro où j'ai eu 4 déjà au fond mais creuse encore. Oui, là mais c'est d'accord évidemment. Nous c'était plus par rapport à ce que vous avez eu l'occasion d'avoir comme merde, comment expliquer? Comme mauvaise réponse, ouais. Enfin, ce que le prof a écrit. Et... Voilà, c'est ça. En gros, alors si vous voulez, je vais vous donner un exemple, comme ça on en a ici. Hein. Donc c'est Donc par exemple, il y a un gars, il a eu 5 sur 20. Donc il a mis le prof demande à Paul d'écrire en plus gros. C'est sous-entendu que t'as pas, il écrit trop petit, t'as raté les trucs. Il y a aussi un gars qui a marqué j'ai zlatané le contrôle, il l'a mis au crayon en haut, il a oublié de le gommer. Et puis t'as le prof qui a mis 8 sur 20, c'est le contrôle qui a zlatané la classe. Ça c'est énorme. Voilà. Ça. En fait c'est la réaction des profs surtout qui est drôle. Alors il y avait quoi aussi rappeler la formule de calcul du revenu brut d'un ménage. Et donc la réponse, on multiplie les impôts sur le revenu avec le loyer mensuel. Et donc le prof dit mais bien sûr. Donc il donne l'exemple. Et donc le revenu c'est 258 720 euros. Et le prof dit parfait, je m'en contenterai sans problème. Alors rappelez la formule de calcul du revenu disponible, voire question, hein, il répond. Et il fait, bah j'ai vu, hein. Voilà, c'est ça. Et puis résultat, il reste 1,36€, hein, déterminer le revenu disponible de mensuel de la famille Lambert, 1,36€. Et il est dit la fin du mois, les fins du mois doivent être rudes. Voilà, donc tout ça pour dire que en gros il avait mal répondu à tout, il était un abruti. Si vous avez des petits commentaires comme ça de prof, bah balancez-les nous. Si vous avez mieux, vous faites une photo et vous nous l'envoyez et on le mettra sans problème sur le Facebook de l'émission. Il est 23h16 sur Fun Radio. Benjamin qui dit mon prof, vous connaissez la théorie du Big Bang? Et lui, non, je connais la théorie du Gang Bang. C'est bien ça. Ça c'est. Ah, il faut oser. Bah après, ouais, tu nous dis pas ce que t'as eu comme problème, hein. On en parle juste après. Clean Bandit, c'est Rather Be. We're a thousand miles from comfort. Rather be. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, en direct sur Fun Radio. Continuez à nous balancer vos messages marrants de vos profs que vous avez eu. Mathieu qui dit: mon pote m'avait dessiné une bite sur le contrôle et ma prof l'a vu, elle m'a affiché devant toute la classe. Dommage ça. Il y a un message aussi qui dit: je connais un mec qui a eu en musique et passé du sommeil au coma. Gaëtan également, 2 sur 20 en maths, mon prof m'a dit va plutôt payer la girafe. Didou également, j'ai salut l'équipe, possible d'avoir une dédicace à tous les routiers, je vous écoute depuis mon camion sur Toulouse, merci et big up. Et bah, bien sûr évidemment tous les routiers bien entendu, et puis bah courage à toi aussi hein. Sarah également qui dit: en maths j'ai écrit comprends rien, alors j'utilise le sourire pour pas avoir des notes, prof m'a dit je te renvoie un sourire pour te mettre zéro. Élise également qui dit aussi: moi une fois en musique j'avais écrit gaz à la place de jazz et à côté la prof a écrit EDF point d'interrogation peut-être. Et alors Bill, attends c'est quoi, Bill ont quoi, bah ils ont quoi mes cheveux, voilà c'est ça. Sur le Twitter, moi c'est le prof, il a dit où on trouve la cannelle, il répond dans les magasins. Si vous voulez je peux prendre un coup de pelle. Oui. Ouais, bah là ouais, là clairement, là je pense. Hein. Voilà. Allez, continuez à balancer tous vos messages sur le Twitter, sur le Facebook, vous balancez tous vos messages et puis si vous voulez nous rejoindre par exemple sur le Twitter de l'émission, vous tapez Mickaël underscore, c'est le petit tir en bas officiel, Mickaël underscore officiel. Et si vous me suivez, eh bien je vous suivrai également, on se followera mutuellement comme ça, c'est quand même vachement plus pratique. Bon, alors Mehdi. Ouais. Bon, toi tu nous avais appelé avant qu'on fasse les appels de Tof, tu nous avais appelé donc d'Algérie et tu... Enfin, tu es toujours en Algérie. Et tu nous appelles parce que depuis quelques jours, il y a une fille de ta classe qui te saute dessus et qui te griffe, c'est ça? Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe exactement là? Et en fait, elle est prise, elle est possédée ou elle est prise d'une... Ouais. Et elle te saute comme ça sur le dos et elle te griffe? Ah ouais, ça a commencé depuis presque 2-3 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment c'est arrivé? Il y a bien un moment où c'est arrivé d'une manif... Enfin, je vois, il s'est passé un truc. C'était après les vacances, à la rentrée. Après les vacances, non mais c'est d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as fait un truc? Tu lui as dit un truc? Ah, rien du tout. Vous êtes sortis ensemble? Vous avez flirté jamais. Ensemble? Tu lui as fait des propositions? Jamais. Je sais pas, quelque chose, jamais, non? Du tout. Rien du tout. Du tout. Putain, c'est bizarre quand même. Bah, attends, en plus, on est dans presque la même classe. Ah, parce qu'en plus, vous êtes pas dans la même classe. Ouais. Et elle fait ça qu'à toi ou aux autres aussi? Non, elle fait ça qu'à moi. Ah, bah, t'as de la chance. Bah, c'est qu'elle te kiffe, hein, je sais pas. Et t'es en cours? Hop, le prof fait le cours et elle ouvre la porte, elle court dessus, elle griffe et elle s'en va. Non, mais pas comme ça. Ah. Genre à la récré ou avant ou après voilà. Le cours. Voilà, enfin, ça reste chelou quand même. Bon, attends, il y a Valentin également de Marseille. Valentin, t'es là? Salut, ça va? T'es en forme? Ça va, la forme. Bon, tant mieux. Alors, Valentin, toi, tu nous appelles parce que t'as vécu pareil? Ouais, j'ai vécu la même chose. Au début, ça a commencé comme ça. J'étais ami avec une fille et... Elle me griffait, après il s'est trouvé que elle avait un peu plus d'envie derrière quoi. Elle avait envie de pécho, mais dans tous les cas elle fait pas ça pour rien en général la fille quand elle fait mais ça. Oui, mais oui, c'est pour attirer l'attention. Sauf si il est complètement barré. Ouais mais sauf que ça a commencé comme ça et elle m'a fini en 100 mois. Ça a fini que à la fin j'avais des marques dans le dos, j'avais des cicatrices. Carrément, putain. J'enlevais les draps en fin de semaine, j'enlevais les draps, il y avait du sang sur les draps. Non, putain, quelle violence. Oh, ah ouais, pour le coup, ouais, bah je lui dis franchement, fais attention, ça commence comme ça, ça finit en bonne sang. Et t'as fait quoi pour t'en débarrasser? Franchement, ça a duré quelques mois, je me suis fait lacérer pendant quelques mois et après un certain temps, je lui dis stop, je suis pas sadomaso. Ouais, mais comme quoi vous voyez le... Les hommes se font maltraiter par les femmes. Oui, et ils aiment ça. Nous sommes victimes. J'aime bien, mais je me suis fait lacérer. Ah c'est oui, bah lacérer. Un petit morceau de viande. Exactement, ouais. Lacérer, c'est quand même violent. Hein. Alors, du coup, Mehdi. Ouais. T'as entendu ce qu'il a dit là? Et te laisse pas faire un moment, hein. Tu vas te faire. Il va y avoir du sang partout là. Ah oui, mais après, j'aimerais bien que ça finisse comme voudrait Tof, hein. Ce serait mieux. Ah, sexuellement? Ah bah t'as qu'à lui faire des avances, tu dis écoute, attends, mais t'as qu'à lui dire, ah bah... tu me sautes dessus, qu'est-ce qu'il y a? T'as envie qu'on couche ensemble ou quoi? Tu lui fais pécho sur la vanne? Hein? Ouais, elle attend que ça, franchement. Bah t'essayes, t'as rien à perdre. Au pire, elle te met une gifle, mais t'en as déjà l'habitude, donc t'es plus à ça près. Ce que c'est. Mais oui. Ouais. Non mais essaye ça, tu la vois quand la prochaine fois? Normalement, je la vois demain. Eh bah parfait, on te rappelle demain soir. D'accord, pas de soucis. Bon, t'essayes de faire ça, hein. Si elle te remet, si elle te griffe, tu lui dis, écoute, si tu veux, si t'as envie de, si t'es un peu violente comme ça, là, si tu veux, on couche ensemble, moi, je vais te calmer. Hop là, tu dis ça comme ça. Ouais. Voilà, c'est bon. Bon, on te rappelle demain. D'accord, pas de soucis. Je compte sur toi. À demain, Mehdi. À demain. Allez, ciao à toi. Merci Valentin d'avoir appelé Fun. De rien. Et tu reviens quand tu veux. Salut. Merci. Allez, ciao à toi Valentin. Bye bye. Tu demanderas à Valentin. Eh oui, on aura dans un instant le ch't'emmerde comme chaque soir avec des cadeaux à gagner. Casque de DJ ce soir, les casques Focal notamment à gagner. Et ça vaut quand même 300 euros le cadeau. Hein. Donc et en plus d'être beaux, ils vont super bien, c'est pour vous dire. Bon, avant de faire les appels avec Toff, là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une Anglaise qui souffre d'une maladie rare. Elle a 50 orgasmes par jour. Ah, c'est bon ça. Elle a une excitation permanente de ses parties génitales. Du coup, bah, son mec n'a pas d'effort à faire pour lui donner du plaisir. Il suffit simplement de claquer les doigts. C'est vraiment le cas de le dire. C'est bon ça. Et hop, c'est parti. Et elle en peut plus. Elle dit, ah, j'ai 50 orgasmes par jour, j'en peux plus. La pauvre. C'est un truc de fou quand même. Bon, Toff, tu vas poser la question à tes amis du coup pour voir combien d'orgasmes ils ont. Bah, déjà avec plaisir. En l'occurrence, combien ils ont déjà réussi à donner d'orgasmes à leur femme. Et puis, si tu tombes sur une femme, tu leur demanderas combien d'orgasmes elles ont déjà eu en une journée. Évidemment. Pour voir si c'est pareil. Donc, si vous avez des numéros de téléphone à proposer, eh bien, allez-y. Maintenant, vous envoyez votre message toph@funradio.fr. Et n'oubliez pas le numéro de téléphone, on va appeler les premiers d'ici quelques minutes. Il y a Elisa également, qui dit un petit inutile sur la dissert de philo, suivi de mou, mais très beau de très bons arguments. What the fuck, les profs de philo? Ah ben, c'est des profs de philo, hein. On leur en demandait, hein, ils sont sur notre planète comme tous les mecs qui sont fans de philo, ce qui est normal. Mystique également, oh je vais venir te griffer Mohamedi, miaou miaou. Il y a Faustin également là, ou Faustine, je sais pas comment on dit. Un prof a demandé si tout le monde était là, j'ai répondu oui sauf les absents. Ça a mérité une petite heure ça, non? Hein, une petite heure de colle ça, je pense. Oh là là. Et Christophe également qui dit mon prof m'a demandé mes fiches de lecture en retard, j'ai répondu demain s'il fait beau, mort de rire, le lendemain il faisait beau, j'ai eu zéro. Et il y a Clochette, Aurélie alias Clochette sur le Facebook qui dit au collège je me suis blessé à la patinoire avec mon prof de sport. Résultat, un plâtre, mon prof m'avait fait une petite dédicace dessus. Dommage, c'est pas la langue. Ça c'est bon ça. Ça qu'elle est un peu trop longue à mon avis. Et pour un contrôle où j'avais rien révisé, le prof m'a mis on n'utilise que 5% de notre cerveau, donc ce n'est pas de votre faute si vous avez tout faux. Ah il est bon lui, ah il est bon, j'aime beaucoup, très très bon prof. Ah oui, très très bon prof. Bon, moi c'était souvent le coup de la fenêtre, hein, parce que je prenais en général la meilleure place à côté de la fenêtre et donc forcément du chauffage, parce que le chauffage est toujours à côté de la fenêtre. En hiver t'es au chaud, en été t'es à côté de la fenêtre, t'es au frais. Et moi j'aimais bien regarder par la fenêtre parce que j'aimais bien, ça me faisait rêver. Ouais moi aussi. Et qu'est-ce qu'il faisait ce bâtard? Il me disait non tu viens devant. Et il me mettait tout le temps devant. Les profs me mettaient toujours devant, j'étais vénère. Ouais. Moi j'allais exprès, c'est quand je sentais le vent tourner, hein, j'allais devant exprès en me disant mec il va trouver ça chelou, etc. Eh ben non, il me laissait devant. Hein. Tu sais, je pensais qu'il allait demander à quelqu'un d'autre de se mettre devant, etc. Mais non, non, ça n'a jamais marché. T'es là, Benjamin? Ouais, Benjamin va couper sa radio. Ah, attends, deux secondes. Voilà. Très bien. Bah, ça va bien et toi? Ouais, ça va. Bon, t'es en forme, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, impeccable, j'ai travaillé et tout, mais bon. Ah, t'as fait quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je suis plombier. Ah, plombier? Ah, bah oui. Ça... Ouais. Est-ce que ça finit parfois comme dans les films de cul? Non, ça m'est encore jamais arrivé ça. Oh putain, t'es plombier depuis combien de temps? Depuis 4 ans bientôt là. 4 ans déjà, ah ouais d'accord, ouais. Ok. Ça t'est jamais arrivé que la meuf te dise écoutez monsieur, je n'ai pas d'argent sur moi, mais si vous voulez, vous pouvez vérifier ma tuyauterie. Enfin tu vois les trucs non, de con. Non mais quand j'étais plus jeune, il y a une vieille, elle me touchait les fesses, mais c'était pour rigoler. Hein. Ouais pour rigoler, ouais c'est ça ouais. Elle voulait un petit jeune, c'est tout, mais vieille comment? Bah, elle a de la cinquantaine au moins. Ouais. Non, alors à mon avis, elle rigolait pas. Je pense que c'était sa dernière ligne droite. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je vais tenter le tout pour le tout, c'est ton jamais. Mon collègue, il accentue un peu le truc aussi. Hein. Bah, ouais, tu m'étonnes. Bon, mais un dernier accord. Mais c'est ça. On va parler de quoi dans quelques minutes, Benjamin, avec toi? Bah, j'arrive à faire un petit bruit. T'arrives à me faire un bruit? Ouais, voilà. Enfin, moi, un bruit, les gens ils disent plutôt c'est un dauphin, mais moi j'appelle ça un bruit parce que je sais même pas c'est quoi comme truc. Vas-y. Mais c'est un dauphin, c'est bon ça. Ah bah c'est bien, t'as vu, ils arrivent à se parler en plus. Eh oui, attends, ouais. Essaie de parler pour voir. Vous me faites bader. Ah non, mais attends, t'es arrivé à faire une discussion. Vous êtes dit quoi là? Bah en fait, on a discuté de la mer et tout. Ah génial. Puis on a dit notre pote José. Ouais. C'est bien. Dites-nous, tiens, est-ce que vous savez aussi imiter des animaux là? On va voir. Toi, tu imites un animal ou pas toi? Bon, sort pas le chien ou le chat ou waf waf miaou miaou. Hein. Ah merde, parce que c'est ça que j'allais te faire. Ah bah ça m'étonne pas, tiens. Le petit poussin. Non. Ah oui, piou piou. Je sais pas si je vais réussir à faire. Vas-y. Ah ouais, ah ouais, pas mal. Ah putain, tu t'es sûr que t'es pas en train de te foutre de notre gueule avec ton iPhone que tu mets avec les sons? Non, je vous promets, c'est vraiment vrai. Ah ouais? Ouais, c'est bon. Bah attends, reste avec nous Benjamin là. Les autres appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 là pour voir si vous arrivez à imiter des animaux là, je suis curieux. Vous arrivez à imiter. Bon allez, on écoute David Guetta et Showtech maintenant, c'est Bad sur Fun Radio, les appels de Toff juste après et on fera le je t'emmerde comme tous les mercredis soirs sur Fun Radio. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun Radio avec toujours vos messages qui arrivent. Évidemment, il y a Kim Jong-un, que les dictateurs là, sur Twitter. Je sais imiter la truie. Ah, génial, mais c'est à l'antenne qu'il faut le faire, hein, pas à l'écrire. Emmanuel également qui dit j'arrive à imiter ma belle-mère, mort de rire. Fredes 34 qui dit je sais imiter un petit peu Jacques Chirac. Ça compte ça ou pas? Non. C'est pas un animal. C'est pas un animal. Hein. Il y a Balom également qui dit moi je sais faire le bruit de Toff. Ah ça doit être sympa. Ah aussi, c'est pas ça. Mal ça. Et Nadia qui dit je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une appréciation spéciale d'un prof, mais j'ai souvent droit à avoir mal à la langue, c'est-à-dire bavardage bien entendu. Et puis les auditeurs qui nous ont envoyé quelques petits extraits de leur cours et vous avez bien fait. Alors il y avait quoi aussi? Je prends là par exemple, c'était j'ai les calculs au bout de la langue, mais ils ne veulent pas sortir. Je vous prie de me donner les points de l'exercice ou quelques-uns si vous voulez, cordialement votre élève. Et le prof répond j'ai les points au bout de mon stylo, mais ils ne veulent pas sortir. Dommage. Il y avait quoi aussi? Attends, il y en avait une autre qui est arrivée aussi. Quand est-ce qu'est né Jésus-Christ? C'est la question du prof. J'en sais rien, j'étais pas né. Zéro. Voilà, tu n'as pas besoin d'être. Tu n'as pas besoin d'être René pour le savoir. Pas faux, effectivement, oui. Bon, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à vous balancer tout ça sur le Facebook, par exemple. Alors, vous envoyez ça sur le mail, ça marche aussi. Adeline également qui dit ce soir, j'ai fait découvrir l'émission à une copine. Un petit message de bienvenue pour elle. Mais avec grand plaisir, la copine. Alors, un des nouveaux là qu'on a eu, là, les nouveaux amis de Toff qu'on a rencontrés, là. Voilà. Et je vais t'enculer, toi et ta putain de mère. Et après, tu pourras parler. Voilà, et bienvenue à toi, la copine. Évidemment, je ne te connais pas, mais merci, Adeline, pour la promo. Et oncle Ben également qui dit mon prof principal en quatrième s'appelait Quick et j'ai sorti moi je préfère le McDo lors de la rentrée, j'ai pris 4 heures direct. Au moins tu vois ça met directement les choses au ouais, clair. Ça met dans l'ambiance. Ouais ça met l'ambiance, ça met directement la bonne. Bah bonne je sais pas, mais en tout cas ça met l'ambiance. Bon allez, en parlant d'ambiance, on va donc appeler maintenant les premiers numéros que vous nous avez envoyés pour savoir si les gens qu'on va appeler ont déjà réussi à donner plusieurs orgasmes à leur femme, ou même si leur femme, enfin ou même si jamais c'est une femme qu'on appelle, si la femme a déjà eu plusieurs orgasmes d'un coup, puisque c'est une Anglaise qui souffre d'une maladie rare, elle a 50 orgasmes par jour. Oh là là, ça c'est voilà. Bon. C'est permanent, hein, donc c'est fatigant pour elle, c'est ce qu'elle dit. Donc on appelle des gens afin de vérifier si oui ou non c'est le cas chez eux. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui ont envoyé les numéros de téléphone sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant, on fera le tour de taille aussi tout à l'heure, hein. Restez bien sur Fun Radio. Et je t'emmerde va arriver juste après ça également, là, restez là. Allô. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir combien d'orgasmes votre mari arrive à vous donner en une journée. Va te faire enculer, toi. Mais enfin, madame, pourquoi vous dites ça? Va au cul. Bah, enfin, t'as que ça à faire, t'as que ça. Bah. Espèce d'abruti. Mais enfin, madame, qu'est-ce qu'il y a? Bah, pourquoi rien. C'est des choses à dire, c'est des choses. Bah, t'appelles quoi? T'as rien à faire. Moi, j'ai un fils à élever, toi, t'en as pas. Mais enfin, c'est juste une question, madame, c'est pas c'est la peine. C'est juste une question. Bah, et oui. Je te pose la même question à toi. Mais. Oui, mais moi j'ai pas mais de. Mais quoi? Je m'en fous de ton mais. Bah oui, mais alors. T'as que ça à faire, t'as rien à faire de toute façon. Bah non, je veux juste. Non, ben oui. Mais ça tu raccroches et tu te la fermes. Mais non, de répondre à ma question. Oui, allez, dégage. Mais répondre à ma question d'abord, allô. Quel est le rapport? J'ai un fils à élever. C'est genre, tu demandes pas. Tu proposes pas un travail au bout du monde? Bah non, c'est ça, je pose juste une question. Bon, on la rappelle. J'ai un fils à élever. On est en Corse, je pense. Ou en tout cas dans le sud de la France. Allez. Elle était à côté de son téléphone. Eh ben, va plus décrocher pour faire chier. Allô. Merci. Oui, bonsoir monsieur. Mais écoute, espèce de fils de pute. Écoute, que tu... Bonsoir monsieur, bonsoir madame. C'est quoi? Tu fermes ta gueule maintenant, tu appelles plus. Bah oui, t'as mais compris. Ouais, réponds ferme ta gueule, ferme-la, tu n'as même pas le droit de parler. Bah oui, mais réponds à ma question. Eh ben, ferme-la, répondez à ma question. Tu veux que je viens, je te sperme moi au visage. Je te fais un tas au visage. Tu veux que je vienne? Où tu habites? Vas-y, dis. Moi, à Paris, je viens, je prends l'avion maintenant. te fais une belle tasse dans ta face de merde. Tu veux? Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Bah, non, mais monsieur, c'est un peu violent tout ça quand même. Ouais, alors ferme ta gueule, allez, raccroche et n'appelle plus, t'as compris? Mais oui, mais vous avez pas répondu à la question. Bah, ferme-la, c'est toi qui appelles. Qu'est-ce que tu appelles ce numéro? Bah, pour... Tu l'oublies ce numéro. Bah, répondez à ma question alors, bah, monsieur. Va te faire enculer. La question, c'est va te faire enculer. Voilà, qu'est-ce que tu réponds? Va te faire enculer. Tu es allé te faire enculer, toi? Bah, non, jamais, pourtant, monsieur. T'es pédé, non? Tu as pas le trou du cul, non? Bien. Mais pas du tout, monsieur. Ah bah, alors ferme ta gueule, allez, pas du tout, ne rappelle plus. Bah oui, mais ma question, monsieur, allô? Ah ouais, bah là, on va plus rappeler, hein, je pense, hein, parce qu'il a l'air un peu énervé. Ouais, non, il est bon, chaud, on appellera d'autres tout à l'heure. Oui, si, oui, vous lui, en avez, on va aller. Si vous en avez des pareils, n'hésitez pas, évidemment, à nous les proposer. Hein. Vous allez, évidemment, sur... sur le mail de Tof. Oui. toph@funradio.fr. On en appellera d'autres tout à l'heure. Il y a Valo qui dit sur un contrôle, j'avais marqué fait chier, l'OM a perdu 2-0. J'ai eu 0 justement et le prof a mis tu es prêt pour jouer à l'OM. Et Alicia également qui dit moi, un prof d'anglais me dit tu veux 0, tu me donnes ta feuille et je le mets. Je lui donne et sur la feuille elle dit Alicia ne veut rien faire, mort de rire. Ah oui, j'avais dit que je vous tiendrai au courant hier effectivement. Alors il y avait par rapport au foot, puisque hier il y avait la Ligue des Champions, là, il y avait le deuxième match, enfin les deux autres matchs. Et donc c'est le Bayern qui a gagné et l'Atlético Madrid. Voilà, donc Manchester United a perdu et le Barça a perdu également. Oh. Sophie également qui dit j'adore les doux, ils sont forts en mytho. Ah oui, surtout quand ils balancent sur l'orage. Hein, c'est... Salut, je m'appelle Jérôme, j'ai 37 ans. J'ai 150 ans. Voilà, je travaille moi chez Darty. Ah, on en a souvent, mais c'est comme ça. C'est ça qui est bien chez les doux, justement. Bon, alors, on va prendre Virginie dans quelques minutes. Benjamin pour l'imitation du dauphin, toujours. Et puis, il y a Johan et Thomas également, là. Johan de Nancy, Meurthe-et-Moselle. Salut, Johan. Salut, Mickaël. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. En face de toi, il y a Thomas, 18 ans, des Landes. Salut, Thomas. Salut, Mickaël. Comment vas-tu? Bah, tranquille, et toi? Très bien également. Vous allez jouer au Je t'emmerde, le principe est très simple. Déjà, vous allez pouvoir jouer et repartir peut-être avec un casque de DJ. Les focales qu'on vous offre, les Spirit One, ça vaut 300€. Ils sont hyper beaux et en plus, ils déchirent tout au niveau du son. Je tiens à le souligner. Bon. Eh ben. Le principe est très simple. On va donc appeler des gens au hasard, ok? Ok. Vous allez jouer chacun votre tour. Le but, arriver à placer un maximum de Je t'emmerde dans une phrase. Enfin, dans une phrase, dans la discussion en règle générale. Attention, il faut bien dire « je t'emmerde » ou « je t'emmerde ». Il n'y a pas de « je vous emmerde, vous m'emmerdez, il faut que nous nous emmerdions », etc. etc. Hein, d'accord? Ok, ça marche. Donc, seuls ces deux mots « je t'emmerde » et « je t'emmerde », enfin, ces deux mots, façon de parler, seront comptabilisés. Celui qui arrive à placer le plus de « je t'emmerde » aura gagné, d'accord? Ok, ok. Allez, on fait deux manches, la première maintenant, la deuxième après la pub. Qui veut commencer? Johan, Thomas? Ah, non, c'est bon. Ouais, bon, on va commencer par toi, Johan. Allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier. Dès qu'il n'y a plus de musique en dessous de toi, tu dis allô, d'accord? Allez, bonne chance. Il est interdit de faire deux fois le même scénario. Allô, qu'est-ce qu'on dit? Allô? Oh là là! Johan, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Donc quand il n'y a plus de musique, tu dis allô? Bah, c'est ce que j'ai dit. Bah non, t'as attendu au moins pendant au moins 4 secondes. Le mec t'a accroché du coup. Ah là là là là là. Bon allez, on essaye un autre. Dès qu'il n'y a plus de musique contre toi, tu dis allô direct, d'accord? Ça marche. Allez, écoute bien. Allô? Allô? Eh ben voilà. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelle parce que voilà, j'ai reçu... Des lettres de menace, puis bah c'est marqué je t'emmerde dessus et je comprends pas pourquoi vous voulez faire ça. La célèbre lettre de menace. Qui êtes-vous là? Excusez-moi. Je m'appelle Yo-Yo. Quoi? Je m'appelle Yo-Yo. Ah, Yo-Yo. Vous appelez Yo-Yo, c'est fort intéressant. Et alors Yo-Yo, vous êtes pas couché à cette heure-ci? Non, pas du tout. Il est un peu tard hein, pour appeler les gens que vous connaissez pas. J'étais pas, parce qu'après vous m'avez marqué je t'emmerde sur la lettre. Ah oui, j'écris ça où? J'écris ça à Yo-Yo France. Hein. Et j'écris t'emmerde, oui, j'écris avec un A ou avec un E, vous avez appris l'orthographe? Hein? On a un prof. Vous êtes sourd en plus. Non. Sinon vous appelez Yo-Yo, mais en plus vous êtes sourd, c'est embêtant Yo-Yo. Vous êtes pas gâté, hein. Vous êtes pas gâté par la vie. En plus, visiblement, la place des neurones vous a mis un peu de semoule dans la tête, parce que la tête sortie chez les gens pour, et en espérant se faire bien recevoir, c'est une erreur. C'est mal pensé, ça. Ah ben non, je comprends pas. Mais oui, il faut réfléchir. Moi, je vous conseille de réfléchir, Yo-Yo. Réfléchissez bien, faites un bon dodo là-dessus, et puis on se reparle un peu plus tard. Hein. Au revoir, Yo-Yo. Oh, oh comment il t'a démonté. Il faut lui donner le gain, il faut que c'est lui qui gagne là. Oh pour putain, on est bon. Oh, là, combien de je t'emmerde? 3. Ah ouais, 3. Bon ben bah, Thomas, allez, c'est parti. Comment il t'a mis à l'amende? Grave, putain, vas-y Thomas, on y va là. T'as un boulevard devant toi là, Thomas, vas-y, dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Tu dis allô, oui, tu dis allô. Ah, il était bon le prof. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je me permets de vous appeler à cette heure-là parce qu'en fait, hier soir, j'étais tranquillement chez moi et j'ai reçu des messages avec votre numéro en me disant « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, sale con, je t'emmerde, je t'emmerde ». Oui, avec mon 02, avec le 02? Non, non, avec votre téléphone portable. Avec quel numéro? Je sais pas, je l'ai pas sur moi là. Parce que je suis en train de vous appeler justement avec ce téléphone, mais c'était pour vous dire que, enfin moi, après je pense que c'est pas forcément vous, parce que ah bon... Ah bah non, non monsieur, vous savez l'âge que j'ai autre chose à penser qu'à faire des choses comme ça, donc oui. C'était en appel masqué ou c'était comment? Oui, c'est un appel masqué. Après, moi, je pense plutôt que c'est un jeune qui s'est amusé, il vous a appris... Ouais, bah elle est partie, je pense que tu l'as saoulé, là. Bon, alors combien de... je t'emmerde? Bon, 4, c'est pas... Oh, 4, 3 et 4, tout est à faire. Bougez pas, on revient juste après ça. Et on va s'écouter aussi le son d'Afrojack dans quelques instants sur Fun Radio. Allez, bougez pas, les gars, on revient juste après, là. Motivez-vous, là, on fait ça juste après la pub, là. Restez sur Fun Radio. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio. Il y a Chloé qui dit d'ailleurs quel bonheur de vous retrouver et de vous écouter chaque soir, ça détend. Oh merci Chloé, on est content de vous retrouver aussi tous les soirs hein, sur Fun Radio. Thomas également qui dit: moi j'ai sorti ma mallette de poker en cours et la prof me rappelle que la salle de cours n'est pas une salle de jeu. Dédicace au collège Jules Lequière. Et puis Lucas qui dit aussi: oh putain Yo-Yo, il a fait comme Toff, attends c'est quoi? Mais il est tombé sur un prof. Ouais, c'est dommage. C'est déchiré. Ah ouais, c'est pas de bol. Comme une merde. Ah ouais, on va refaire le je t'emmerde dans quelques minutes, la deuxième partie avec un score très serré mais très minable. Hein, 3 et 4, c'est pas non plus c'est la le folie. Pire depuis le début du jeu, je crois. Ah ouais, je pense, ouais. Et puis je vois et vous remercie également, on est quasiment 100 000, là, plus de 99 000 personnes qui ont été voir la vidéo de la tentative de drague. C'est Adèle, un auditeur, qui nous avait proposé une technique de drague qui consistait à poser 3 questions à la fille et en l'occurrence ça marchait. Bon, on a essayé, ça a pas vraiment porté ses fruits. Non. Enfin, j'ai essayé, hein, j'ai quand même essuyé 5 échecs. Toff a essayé, lui il a directement réussi. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai la technique. Oui, ça doit être c'est ça. La façon de poser la question qui change oui. Tout. Ou la personne à qui t'as posé la question, je ne sais pas. Bon, allez voir en peut-être. Tout cas sur le YouTube, tapez Mickaël officiel, abonnez-vous à la chaîne hein, et puis vous allez pouvoir voir ça. Pareil aussi pour la descente quand on était au ski il y a un mois là. Pour la descente avec la boule géante où Toff était dans la boule, descente de la montagne. Pour faire un bowling géant grandeur nature. Ah oui, c'était beau. Allez voir Facebook, facebook.com/Mickaël officiel, la vidéo est dessus. Et sinon, tapez Mickaël officiel et rejoignez-nous sur le YouTube de l'émission. Vous vous abonnez à la chaîne, merci beaucoup d'avance. Et passez le message autour de vous également. Sarah également qui dit: il m'a dead, pitié, il a enchaîné, vous me tuez. Didou également: putain, le mec, il a tué le yo-yo là. Amel également dit: je vais vous réveiller, je vais réveiller toute la baraque, mort de rire. Et vive les sodomites qui dit: j'aime la voix virile de Mickaël. Oui, depuis que j'ai un nouveau micro, tout a changé, n'est-ce pas? Ah oui, ça fait... Dites-moi les filles d'ailleurs si vous préférez. Ce son là. Attendez, je vais prendre l'ancien micro pour voir. Ah, attendez, là je vous dis, vous me dites les filles ce que vous préférez. Hein. Bon, les garçons, je m'en fous un peu là, mais les filles, vous me dites ce que vous préférez. Alors, attendez, ça c'est le nouveau micro. Bonsoir les filles. Et là, ça c'est l'ancien. Ah, attendez. Bonsoir les filles. Alors, lequel vous préférez, A ou B? Voilà, vous me dites tout simplement, là, je rends le micro à Polo, là, hop là, voilà, vous nous dites maintenant, hein, et puis celui que vous préférez sur le Twitter avec le hashtag Mickaël, par exemple, d'ailleurs, on fera le top tweetos également tout à l'heure. Avant ça, retour avec Johan et Thomas, vous êtes à tous les deux? Ouais. Allez, hop, c'est parti. Donc, le je t'emmerde tout à l'heure, Johan, alias Yo-Yo, s'est fait laminer par le mec qu'on a appelé. Oh putain, mec, qu'est-ce qu'on a rigolé. Oh là là là. Oh là là, j'en pleure encore. Ah ouais, bon, toi, t'as pas rigolé, à mon avis. T'as pas rigolé, toi, Yo-Yo, hein. Oh, si, un peu. Un peu quand même, bon, c'est le principal. Bon, donc, on va faire la suite maintenant. Johan, t'as fait 3, je t'emmerde. Thomas, on a fait 4. Pour l'instant, c'est Thomas qui gagne. Mais bon, à ce niveau-là du jeu, et en plus avec 3 et 4, autant vous dire que tout est possible encore. Hein. Bon, eh ben écoute, Johan. Ouais. On va y aller là, on rappelle, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, il faut faire mieux que 4 en l'occurrence, hein. Et puis bah idéalement il faut même mieux faire encore un peu plus quand même, hein. Attention, interdiction totale de réutiliser le même scénario, ok? Okay. Mais il n'a pas vraiment utilisé le premier. C'est pas faux. Allez, on y va. Putain, si on peut tomber encore sur un autre prof, oui, je peux me marrer là. Allez. Et dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Alors que s'il l'avait fait tout à l'heure. Allô. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi de vous appeler à cette heure-ci. Et je vous appelle parce que voilà, j'ai reçu... un SMS comme quoi vous m'avez marqué je t'emmerde, sale enculé, je t'emmerde, etc. Je comprends pas, vous m'avez marqué, je t'emmerde, au moins 50 fois. Avec quel téléphone, quel numéro? Sur mon numéro, sur votre téléphone. Ouais, je peux pas envoyer des SMS avec un fixe, n'importe quoi. Non, non, vous m'avez envoyé ça sur votre téléphone, pas sur votre fixe. Avec votre portable? Comment? Avec quel numéro? Avec votre numéro. Oh, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez à cette heure-ci? Moi, j'ai absolument rien envoyé, je suis une personne de 60 ans, donc je vois du tout pourquoi je vous enverrai un SMS, je caille pas. Bah, je comprends pas. Ouais, un téléphone d'une qualité. Oui, non, mais c'est pas moi, c'est une erreur, c'est quelque chose d'autre chose, j'en sais rien. J'ai pas sorti qu'il faut m'appeler pour me dire des bêtises pareilles. De toute façon, c'est pas moi. Non, c'est pas des bêtises. Mais non, mais moi, j'ai rien fait. Je vous dis que je suis une personne de 60 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous envoie un message de dire, je vous emmerde. Après, le prof, c'est l'aimé. Bon, allez, je vous souhaite une bonne nuit. Oh là là, et après le prof, c'est Mémé qui t'a mis une patate, dis donc, Yo. Hein. Mais tu t'es fait allumer. Oh là là, bon alors ça nous en fait combien, allez, je t'emmerde là 9. 9, oh là là là là là là. Bon, c'est mieux, Johan, hein, c'est pas ça, hein, mais bon, ça reste quand même pas terrible. Thomas. Ouais. La balle est dans ton camp. À toi de jouer, il faut faire mieux que 9. T'en fais 10, tu gagnes, d'accord? Ok, ok. Allez, c'est parti, on y va, bonne chance. C'est le casque donc qui t'a gagné, qui vaut 300 euros, le Focal. Super beau et avec un son qui déchire. Dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Oui, allô. Allô. Allô. Oui, allô. Oui. Je me permets de vous appeler à cette heure-ci parce que dans la soirée, j'ai reçu un mail assez étrange. Donc à partir de cet email, j'ai pris votre numéro. Donc j'ai vu qu'il y avait marqué je t'emmerde, sale con, je t'emmerde. Donc après, je sais pas si vous êtes fait pirater ou quoi, mais voir des je t'emmerde comme ça, c'est pas agréable. Surtout de votre part. Les gens, ils se connaissent. Allô? Oui, mais je comprends rien du tout. Hein. Oui? Bah oui, mais je sais pas, parce que bon, moi j'étais tranquillement sur mon ordinateur et je reçois ça de votre part en me disant je t'emmerde. De la part à qui, à moi? De notre part à qui, à moi? Ben oui, ben en fait, à partir de votre email, j'ai pris votre numéro de téléphone. Attendez, nous, on est au lit. Oui, mais c'était ce soir, vers 20h, que j'ai reçu je t'emmerde. Bon, après, moi, j'ai pas forcément compris. On n'était pas sur l'ordinateur, hein. Ah ben, vous avez dû vous faire pirater, madame. Parce que bon, moi, je reçois des je t'emmerde comme ça, et je me pose des questions quand même, je me dis mes questions. Ben oui, mais non, c'est vraiment pas nous, parce que... vous voyez, il y a eu un appel tout à l'heure, déjà à 11h30, à 01. Je ne sais pas si c'était vous, mais... Ah voilà, on est parti jusqu'à 2h. Non, moi je suis dans les Landes, je suis en 05. Ah donc, oui, voilà. Non, ça n'a rien à voir, nous, c'était pas nous, hein. Bon d'accord, mais c'est pas grave, mais juste la prochaine fois, faites attention, changez votre mot de passe parce que si je reçois encore des je t'emmerde, je risque de vous rappeler encore une fois, donc du coup ce qui va faire que à la fin, vous allez vous faire piéger. Parce que l'ordinateur il n'a même pas été allumé aujourd'hui en plus. Ah ben vous avez dû vous faire pirater madame. Mais c'était juste pour vous prévenir. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait qu'il t'emmerde ou pas? Ouais, c'est en train de faire une discussion là. Ah, ça y est, quand même. Avec des insultes incessantes. Ouais. Bon, voilà. Bon, merci. Au revoir, monsieur. De rien. Au revoir, madame. À la bonne heure. Très classe, l'appel très gentleman. Bravo. Très gentleman. C'était beau. Bon alors, je rappelle que Johan au premier appel avait fait 3 je t'emmerde, au deuxième appel on avait fait 9, que Thomas en avait fait 4 au premier appel et au deuxième Nous sommes à 21. Ouais. Eh ben bravo Thomas. Bah merci hein. Eh ben je t'en prie, casque focal, cool. Le focal Spirit One, ça vaut 300€, il est pour toi, tu vas voir, il déchire tout. Ah c'est super cool, merci beaucoup. Il déchire tout. Bon bah bravo Thomas. Attends, Mickaël, il a Bluetooth? Alors là je n'en sais rien du tout, figure-toi. Je sais que tu peux commander, tu peux. Si tu le branches avec le câble, t'as la petite télécommande et tout pour monter le son, décrocher les appels, ça ouais. Mais je sais pas s'il est Bluetooth en revanche. Bah écoute, tu découvriras, ce sera un surprise Thomas. Et je peux faire une dédicace toi? Allez vas-y, y a une seule personne, choisis la bonne. Je fais une dédicace à ma chouquette d'amour qui est à Tarbes. Oh, c'est mignon. Et bien sûr, comme t'es un gentleman, tu vas lui offrir le casque. Ça savoir. Enculé, va. Hey, mention spéciale pour Yo-Yo parce qu'il m'a bien fait rire. Ouais, moi. C'est vrai. Bravo Yo-Yo, hein. Merci quand même. Malgré toi, quand même. Ouais, oui, bien sûr. Il y a Lucas aussi qui dit bravo Yo-Yo, là, j'ai pissé au lit, mort de rire. Oh, t'as quand même fait rire tout le monde, c'est bien Yo-Yo. Bon, évidemment, on va te filer un pack fun, tu vas gérer au standard ça, je te l'ai. T'as mérité, t'as mérité. Bien sûr. Et puis une petite dédicace. Allez, aussi, il y a une seule personne, choisis la bonne. Solène. Très bien, et bah, c'est qui Solène? C'est une amie à moi que j'ai rencontrée, bah, à un arrêt de bus, puis bah. Et puis t'aimerais bien la pécho, quoi. Ouais, t'aimerais bien lui casser les pattes arrière. Hein, non, pas lui casser les pattes arrière, mais au moins la pécho. Oh, voilà. Bah, c'est ça, t'aimerais bien lui casser les pattes arrière. C'est une manière plus gentleman de balancer les choses. À peu près. Bon, bah, t'as qu'à lui dire ça demain. Écoute, tu peux te casser les pattes arrière, tu vas voir, elle va kiffer. Elles adorent quand on leur dit ça. Demain, je travaille en même temps. Donc, Bon, bah, la prochaine fois que tu la vois, quoi. Bon, salut Johan, ouais. Salut Thomas, salut vous deux. Salut. Allez, à bientôt. Et comme on est dans les jeux, là, on va récupérer Camille là, pour la colle. Là, Camille, t'es là? Ouais. Allez, c'est parti, refais péter un petit coup la colle pour savoir eh bien, si tu vas repartir ou pas avec cet écran plat justement. Vas-y, vas-y. Quelle est la différence entre Toff et sa photo? Il y a Tommy qui dit pour la colle, aucune, il est moche sur les deux. Il y a Lucas qui dit pour la colle. C'est ça ou pas? Des fois que. Non, c'est pas ça. Bon, il y a Lucas qui proposait son odeur. Non. Il y a Benjamin qui dit il n'y a aucune différence. Non. L'intelligence. Non. Non, on proposait la lettre O. Non plus. Non, au moins sa photo dit pas de conneries. Oui, c'est pas faux ça. Non plus. Mais c'est pas ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, quelle est la différence entre Toff et sa photo? Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 par SMS ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Vous allez voir, je vous ai mis un post avec la question et puis bah, il suffit d'aller y répondre. Et si vous avez la bonne réponse, d'ici 30 minutes, eh bien, on vous appelle en direct, vous passez à l'antenne, vous donnez la bonne réponse et c'est gagné. C'est aussi simple que ça. Si en revanche la réponse est mauvaise ou que vous ne décrochez pas, c'est Camille qui gagne. Je te souhaite bonne chance et on saura si tu gagnes ou pas. Ok, merci. A tout de suite, Camille. Bon, alors. Je vous ai demandé votre avis là sur le nouveau micro, si vous préfériez le micro A, donc celui avec lequel je parle maintenant, ou alors le micro B, celui avec lequel j'ai parlé vite fait tout à l'heure, hein, le même que Polo et celui que j'avais les autres jours. Oui. Chloé qui dit moi c'est le micro A, le nouveau micro pour Amael. Il y a Agathe qui dit le B fait vraiment pervers, Mickaël, je préfère celui que tu utilises en ce moment. Ah bah ça ne m'étonne pas, c'est Toff qui garde l'ancien, tiens. Oui, moi je l'adore celui-là. Étonnant. C'est mon préféré. Qui dit, moi c'est le A, donc micro A. Margot qui dit je vous écoute tous les soirs dans mon camion, vous êtes les meilleurs, big up à vous. Merci Margot. Et puis bonne nuit également. Et Elisa qui dit le nouveau micro ça fait un peu genre prépare-toi je vais te bouffer, et l'ancien micro ça fait genre je vais pas te lâcher de la nuit, tu vas voir, je vais te démonter. Oh, quelle imagination Elisa. Ah, une belle imagination hein. Ah ouais, pas mal. Et Soria qui dit ta voix avec ton nouveau micro est juste grrr, pisse tu déchires. Oh merci Soraya, grrr, toi aussi, merci. Bon ben continue à donner vos avis, évidemment vous êtes les bienvenus. Il est minuit sur Fun Radio, on va se faire, déjà on est au cœur de la nuit sans pub, on aura les teubés de la télé dans quelques minutes et on va récupérer notre ami Flipper le dauphin. T'es là Flipper? Toujours là. Ah voilà, tout le monde est content. Voilà, donc Flipper, notre imitateur de dauphin, Benjamin, c'est ça hein? C'est ça. Très bien. Alors, il y a Valentin qui est également avec nous. Ouh là là, il va couper sa radio, Valentin de Montauban. Salut Mickaël. Ça va? Et est-ce qu'on t'avait pas dit aux antennes de couper la radio? Si, mais j'entendais pas, ça me coulait dans le téléphone. Voilà. D'accord, ok. Bon, alors, bienvenue à toi, Valentin. C'est rien, t'inquiète pas. C'est sur Sandro que je mettais la claque, t'inquiète pas, c'est pas sur toi. T'imites quoi, toi? Le cochon ou le bébé crocodile, comme tu veux. Le attends. Parce que le cochon, ok, je peux imaginer, mais le bébé crocodile. Cochon, c'est facile. Mais ouais. Écoute, faudrait que t'écoutes le cri du bébé crocodile. Alors vas-y, je suis tout ouïe. Ok. Ça fait vraiment ça un crocodile? Et bah, non, un bébé crocodile. Personne n'a jamais entendu un bébé crocodile. Ouais, c'est crocodile. Ça, tu pourras nous faire n'importe quoi, t'auras voulu faire. C'est pareil. Ouais. C'est voilà, parce que le cochon, ça se déjà un peu mieux, quoi. Bah, ouais, bah parce que moi, pour le coup, j'ai croisé un jour un alligator. C'est comme déjà balèze hein, comme bestiole. Dans le métro, ligne 1. Non, pas du tout. Non, j'étais dans les. J'étais en Floride et il y avait une espèce de parc national où on pouvait aller se promener. Les Everglades. Ouais, dans les Everglades, mais c'était un parc national en particulier. Hein. Et donc du coup j'y suis allé, tranquille, et on arrivait vers la fin, c'était presque la fermeture. Et donc il y avait quand même 2-3 heures de marche pour faire le tour, ou alors tu prenais l'espèce de petit bus. Oh, moi j'avais la flemme, donc je dis on va prendre le petit bus, tu vois, après on va rester coincé dans le parc et tout, ça va être la galère. Donc j'étais avec ma copine et puis on prend le bus et puis on avance et tout d'un coup t'avais un alligator qui était sur le bord de la route en train de bronzer, il était là pépère. Il était couché évidemment, mais je veux dire il était là, il bougeait pas, il était au bord de l'eau, il était tranquille. Il avait son cocktail et les Ray-Ban. Non mais attends, mais ce qui veut dire que si j'avais fait la route à pied, oui. Bah il serait là quand même. Ah bah oui. Enfin il aurait été là quand même. Bah ouais, il t'aurait fait un give me five, viens on va faire un tour. Non mais c'est scandaleux, t'imagines, ils te laissent aller dans le truc alors que t'as les alligators, ils sont là, ils peuvent. Pour peu que tu t'approches un peu et que tu te dis c'est quoi ce truc. Bon après parce que je pense pas que ça court vite, mais. Le truc. Ah si, ça va vite hein moi. Si, ça va vite, mais en même temps quand il est sous le soleil, on dirait des troncs d'arbres, il bouge pas, c'est con. Ouais mais là il était en plein milieu de la route, tu veux, donc on l'aurait grillé hein, mais à un moment ou à un autre. Mais putain, ça m'a foutu les boules, heureusement qu'on l'a pété à pied, t'imagines. Mais c'est comme sur les autoroutes en Floride où t'as le grand panneau qui te dit ne descendez pas de votre voiture, on ne sait jamais. Ouais, attention aux alligators. Ouais, c'est vrai en plus. Bon, fais le cri du cochon Valentin pour voir. Bon, vas-y. Oh, il est moyen. Pas mal. Alors c'est, attends, c'est à mon tour, à mon tour. Gorgé, hein. Ouais. À mon tour. À mon tour. Attends, attends. Ah ouais, c'est un autre level. Hein. Ah, je gère mieux. Hein. C'est grâce à mon nouveau micro, d'accord, ça. D'accord. C'est facile, ça. C'est facile. Comment ça, c'est facile? Bah attends. Bah, tu crois pas? Bah attends, t'es sérieux là? Attends, je le refais. Ah non, t'es balèze, Michael. Non, mais fais-le toi. Mais c'est ce que je viens de faire. Ah ouais, bah t'es vraiment un cochon alors. Mais ouais, bah écoute, moi j'arrive à le faire, si tu veux, ça s'appelle le talent ça monsieur. Ouais. Eh oui, et je peux même faire le dauphin aussi parce que l'autre il faisait le malin là. Hein? Ah il faisait le malin l'autre là. Vas-y, fais le dauphin. Benjamin là. Ouais. Bon, attends, regarde. Enfin écoute plutôt. Attention. Ah ouais. Moi je peux faire le mien, c'est plus naturel. Ah vas-y. Oh c'est presque pareil par contre là. Voilà, hop, terminé, plus de dauphin. On n'a plus qu'à le bouffer. Eh ben exactement. Bah attends, on en aura d'autres dans un instant. Alors j'ai Essia dans un instant, ou Essia, je sais pas comment on dit, qui imite. Attention, grande surprise, restez bien là. Je ne vous dis rien, mais ça va être du lourd. Bon, ben merci. Ah ben Valentin et Benjamin, du coup, restez avec nous. Hein. On va prendre Essia dans quelques minutes. On a Guillaume également qui veut aussi nous faire une imitation. Mais attention, là aussi, ça va être du lourd. Ça va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis on va se faire, comme promis, le son d'Afrojack maintenant. 10 feet tall, on est au cœur de la nuit sans pub. Bienvenue, hein, c'est Mickaël No Limit. On est en direct et tous ensemble jusqu'à 2h. I'm clumsy, and my head's a mess. C'est Fun Radio avec Afrojack à l'instant, c'était 10 feet tall. Minuit 9 sur Fun, il y a Oncle Ben qui dit est-ce que je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît? Bah oui. Non, bah arrêtez de prendre pour une conne, non mais attends. Voilà, il y a Abdou qui dit le micro te rend plus mal et viril. Merci Abdou. Jojo également, nouveau micro, il est mieux, ça te fait une voix plus sexy encore. Et il y a NTM Chelsea qui dit micro sans hésiter, d'accord. Et Sabrina qui dit mais c'est clair, le micro que tu as actuellement change complètement. Moi j'achète pas le micro, mais Mickaël bien sûr. Ah oui, c'est mieux hein, Sabrina, parce que je pense que tu n'aurais pas les moyens d'acheter le micro. D'ailleurs, même le boss de Fun ne l'a pas encore, hein, techniquement. Ah bah, il a fait un crédit, hein, il a fait un crédit. Ah bah, je confirme, effectivement. Il y a Ness également qui a envoyé son message. Ta voix avec le nouveau micro est parfaite, merci Ness. Il y a Balom également, moi c'est le A sans hésiter. Fred S34, micro A sans hésiter, même si je suis pas une fille. Oui, mais c'est pas grave, hein, vous pouvez donner vos avis aussi, les mecs, il n'y a pas de problème. Nadia qui dit, j'avoue que le nouveau micro est parfait, ta voix est magnifique, avec celui-là, ne le quitte pas. Bah, oh. J'espère. J'espère. Ouais. D'autant plus que c'est mon micro, je pourrais partir avec après l'émission. Et je vais péter dessus. Voilà, mais ce qui veut dire que j'aurai pas la laine de toutes les autres, autres animateurs. C'est vrai qu'il y a une grosse lingue parfois. Voilà, il y a Coralie qui dit le nouveau sans hésitation qu'elle voit. Oh, merci Coralie. Et Sarah Svati qui dit Mickaël, avec n'importe quel micro, ta voix est exceptionnelle. Oh, c'est, cool, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais quelle lécheuse, ah, ouais. Micro A pour Mystique. Et Nadia qui dit ouais, elle est juste top la vidéo, les trois techniques de drague. Bah, allez voir, on est quasiment 100 000 à avoir été la voir, la technique de drague. Enfin, la technique à ne pas faire, hein, si vous voulez vraiment pécho. Vous pouvez aller voir ce qu'il ne faut pas faire en l'occurrence. Vous allez être sur Mickaël officiel sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et puis comme ça vous allez pouvoir voir toutes les vidéos, notamment celle qu'on a postée il y a quelques jours. C'est de la descente de bowling, enfin l'énorme boule où Toff était dans la boule et ouais. On a fait des quilles géantes avec moi, avec les auditeurs également qui étaient sur place. C'était à Orcières 1850 il y a 3 semaines à moi. C'était le rêve de Toff de redevenir dans une couille. Ouais, c'est ça. Un petit spermatozoïde dans la couille. Voilà. Mais on a appris de quelques erreurs que nous avions fait quand on avait fait ça. L'année prochaine, ce sera mieux. Oui. Bah, d'ailleurs, peut-être qu'à Bagnoles, ils nous ont trouvé une belle descente pour leur faire, hein, parce que c'est eux qui sont sur la vidéo aussi. Bagnoles donc, sur 16. Voilà, ils veulent refaire en condition été. Parfait. Donc, on sera tout près d'Avignon, mais ça, c'est au mois de mai. On vous donnera la date exacte. Et on sera tout près de Marseille. Bon, on sera à Marseille d'ailleurs. Hein. Ce sera sur le vieux port, dans les studios de fun, sur, pour la fête de la musique. Ce sera vers le 22 juin, je crois, c'est ça. Hein. 22, oui. 22, le 22. Dimanche 22 juin, on sera là-bas. On fêtera la musique avec vous. La Marseille, ça va être énormissime. J'espère que le soleil sera là, les Marseillais. Là, hein. Il y a message de Lucas qui dit ton nouveau micro fait vraiment gentleman. Oh, merci Lucas. Et Mickaël Apéro qui dit salut l'équipe. Bah salut à toi Mickaël Apéro. Bon allez, c'est parti, on va se faire maintenant nos amis teubés de la télé. Vous savez que nous avons trouvé de nouvelles stars, hein. Et oui, c'est grâce aux Marseillais justement, on en parlait, tiens. Marseillais à Rio, on va donc apprendre une nouvelle expression. La chambre, il manquait plus ça, c'est la cerise sur le pompon là, c'est magnifique. Et oui, la cerise sur le pompon. On avait déjà eu un truc de cerise mais je me souviens plus c'est quoi. Non, c'était la cerise sur le cake. Non, c'était le cake sur la cerise. Oui, c'est ça, c'était l'inverse. Enfin bref, une mauvaise expression quoi. Et dans les anges, il y a Thibaut qui ne vit pas très bien de s'être pris un râteau par Amélie. Je pète les plombs parce que au moment où il m'a poussé, c'est le mec qui a commencé à me détacher pour m'accrocher à la tyrolienne. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'a pas plu. C'est un accident, c'est très vite arrivé. Fais pas le malin, ça va ? Fais pas le malin. Fais pas le malin. Ça va ? Le mec il prend des râteaux, maintenant il essaye de le faire. Non. Quel râteau ? Par qui j'ai pris un râteau ? Par qui j'ai pris un râteau ? Le mec il y a 20 mètres de vide et tu pousses par moi ! Quel râteau ? J'ai pas pris de râteau, moi j'ai juste dit que j'avais une assurance pour une soirée, j'étais dragué mais pour rigoler, je t'ai pas dit que je voulais être avec toi. Donc c'était pas un râteau, c'était une fourchette. Voilà. Mais d'accord, t'as cassé quoi ? Pas un râteau, c'est une fourchette. Mais moi non plus je rigole pas avec toi, alors ne commence pas à pousser comme ça. Non mais commence pas à dire râteau par râteau, crois pas que tu es. T'as un joli visage, mais voilà, y a pas. Crois pas que non plus que tu es un avion de chasse quoi, tranquille. Léger pour le goût, mollo. Tranquille, empêche s'il avait réussi à la pécho, ça aurait été un avion de sache. De chasse. Oh, il aurait été fier comme un coq, mais là, grave. Il faut pas. Bon, et puis dans cela, il y a un auditeur qui nous parle de sa passion pour les saucisses. Donc, sur décision de Stanislas Leczinski, voilà, qui était le... Qu'on connaît tous, qu'on embrasse voilà, d'ailleurs. Voilà, hein, comment qui était duc de Lotharingie et de Bar. Voilà, d'accord. Et il avait donné... il avait émis une charte pour que soit fabriquée une saucisse avec uniquement des morceaux nobles. Voilà. Ah. Et vous faites partie de la confrérie des goûteurs de la saucisse lotharingienne. Ah ouais, comme quoi on se marre, hein. C'est la folie de la folie. Oh, l'association de tocard de saucisse. Et Annabelle qui dit dédicace à mon chéri, il a un an déjà avec du bonheur. Oh, c'est beau, Annabelle. Et un gros coucou à l'équipe, je vous adore. Impossible de dormir avec vous, c'est gentil, Annabelle. Aurélie également, micro A, micro B, perso, je ne vois pas la différence. Bah, enfin, bon, alors je le refais là. Alors, micro A, c'est celui-là. Salut, Aurélie. Et alors, deux micro B, donc ça, c'est l'ancien. Attends. Salut, Aurélie. Bah on voit la différence, enfin, bah, on entend la différence quand même. Claire. Hein ? Salut Aurélie. Ah oui ? Bah oui. Quand même. Ah oui. Je crois que même Toff a une demi-molle. Ah bah je vais aller mastiquer là. Oh quelle horreur. Bon allez, alors il y a Amael aussi qui dit salut de la team. Bah salut Amael, merci pour tous vos messages, continuez à les envoyer évidemment sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Venez nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Et puis venez nous rejoindre également sur le Twitter, tapez mickaël officiel. Suivez-moi et je vous suivrai également évidemment avec plaisir. Bon, on va récupérer nos imitateurs, Benjamin, Valentin qui imitait le cochon et Benjamin qui imitait le dauphin. Vous êtes à toujours tous les deux? Toujours. Très bien, allez, parfait. Et attention, on accueille Essia ou Eskia, comment on dit ? Essia. Oula, on t'entend Essia. Hyper mal. Tu peux parler plus fort, Essia ? Comment ? Essia. Essia, t'es là ? Mickaël ? Ouais, t'es une douce toi, non? Ah oui, une très douce. Non. Bon, t'as quel âge? 12. Ouais, donc t'es une douce. Mais oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est les auditeurs qui n'ont pas encore mué qui sont des doux. Bon, alors, qu'est-ce que t'arrives à imiter toi? Le Pikachu. Je me souviens plus, même plus de ce qu'il faisait comme bruit. Vas-y, essaye. Ah ouais. Ah ouais, c'est peut-être pour ça que je me souvenais pas, effectivement. Il y a peut-être une raison à ce problème. Ah, Polo le fait pas mal, hein. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il gère pas mal le Pikachu. Mais il est fan, hein, en même temps, de ce dessin animé, hein, faut le savoir. J'ai un pyjama. Et dans sa chambre, il y a des posters partout. Ouais, j'ai un pyjama Pikachu jaune. Et il a la couette. Qu'est-ce qu'il y a, Isa? Je suis pas un gars. Non, et alors? On parlait de Polo? Non. Ben oui, refais-le un peu pour le sport. Sinon, t'as prévu. Il va faire quoi, il s'énerve. Ah ouais, bah visiblement, ouais. T'as prévu tes potes que tu passes à la radio ce soir ou pas, Sia? Oh non, j'avais la flemme. Ah, il vaut mieux. Non, mais c'est mieux. Cela dit, c'est mieux parce que sinon tu te seras affiché pendant plusieurs jours, voire semaines. T'as bien fait dans l'absolu, même si c'est la première fois que je dis que t'as bien fait. Attends, il y a Nicolas également de Saint-Amand là. Salut Nicolas. Nickel. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, t'imites quoi toi? Moi j'imite le chien. Oh, bah, c'est oui. Facile ça, waf waf waf. Bon, vas-y. Ouais, pas mal. Ah, moi j'arrive à imiter le chien qui boit. Oh, qu'est-ce que t'es balèze. Ah ouais, mais t'as fait fort ça. De quoi? C'est fort ça. Ah bah t'as vu un peu, hein. Ça c'est tough quand il a pu baiser une meuf. Ouais, c'est le moment juste après avoir joué. Voilà, exactement, ouais. Ça c'est quand il fait un cul, il y a une meuf. Ça c'est parce que je l'ai fait mouiller, hein. Après ça vient en abondance. C'est ça, ouais, t'as raison, ouais. Non mais pas mal Nico l'imitation là. Non mais vous êtes pas mauvais, hein, dans l'absolu, hein. Ah bah on a du talent. Bah oui, on se souviendra surtout évidemment du bébé crocodile. Ouais, ça c'était pas mal. C'est assez bizarre. Je pense que dans l'enfume on était pas mal. Ah ouais, là on était quand même, on en tenait une belle effectivement. Moi j'ai imité les dinosaures. Vas-y. Ouais, non, il y a un truc. Bah, prouve que c'est pas un dinosaure. Ouais, c'est vrai. Bon, Benjamin, ici à Nicolas et Valentin, merci d'avoir appelé en tout cas. Vous revenez quand vous voulez, les gars. Alors attendez. Valentin, tu voulais dire un truc? Je peux passer une petite dédicace? Bon allez, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Ok, bah dédicace à Ludo la salope. Ah bah on embrasse la salope alors, pas de problème. Et dis-moi, je pourrais avoir un petit pack fun? Bien sûr, c'est pas un petit, hein, c'est tous les mêmes, moi, vous inquiétez pas. Ah, chacun son tour, vous inquiétez pas. Donc je vais te repasser Sandro, Valentin, t'inquiète. Pas de soucis. Salut Valentin, à bientôt. Ciao. Allez, à ton tour, Benjamin, vas-y, à une seule personne, moi, choisis la bonne. Dédicace à Chevillon sur Villa, 45-700, mon pote Thomas qui m'écoute, tchat Toto. Eh oui, mais qu'est-ce que t'as pas compris dans une seule personne, Benjamin? Excuse-moi, hein, mais... Eh voilà, eh oui. Bon, Benjamin, salut à toi. Nickel. Allez, bonne soirée. Allez, ciao à toi. Essia, tu voulais dire un truc? Oui, la réponse à l'école. Eh ben, tu peux, mais on te dira pas si c'est la bonne ou mauvaise réponse, parce qu'il faut jouer comme tout le monde. D'accord. Mais vas-y toujours. Alors, j'avais une idée, c'était que Toff, c'est le verlan de photo. Ah oui, c'est vrai, une touffe. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est Camille pas mal. Ouais. C'est la bonne réponse ou pas? Non. Et Sia, voilà. Tu dégages. Et malheureusement, oui, c'est perdu. C'est mal. Eh bah tant pis, hein. Bon bah tant pis, Sia, tu retournes ta chose quand tu veux, mais c'était bien cherché. Ah, une touffe, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Ouais. C'était pas mal cherché. Salut Sia, gros bisous. Bisous. Ciao. Et puis Nicolas, le dernier, hein, tu voulais dire un truc en particulier? Ouais, juste, c'était l'anniversaire à ma soeur hier, donc je souhaitais mon anniversaire. Eh bah bonne musique d'anniversaire. Allez hop, c'est parti, comment elle s'appelle ta soeur? Johanna. Et quel âge elle a? Elle a 21 ans. 21 ans, bah très bien, bah bon anniversaire Johanna. Allez hop. Attends. Il faut savoir que c'est Toff qui fait l'orchestre. Ah évidemment. Enfin qui fait l'homme orchestre. Oui, je suis chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Avec sa baguette. Et quelle baguette. Salut Nico, ciao à toi, à bientôt. Merci. Salut. Allez hop, on aura Guillaume dans un instant de Metz. Salut Guillaume. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va bien. Tant mieux. Tranquille. Bon Guillaume, on va parler de alors du sujet de Mehdi qu'on a eu en début d'émission, qui nous appelait d'Algérie là, qui il était dans un bahut et dans le bahut il y avait une meuf qui lui sautait dessus et qui le griffait un petit peu partout, donc ça le perturbait, il savait pas quoi faire. On devra avoir des nouvelles demain puisqu'il va la revoir demain et il va lui dire écoute si tu veux continuer à me griffer, on a qu'à coucher ensemble puisque lui il aimerait bien justement. Donc on aura des nouvelles demain. Et toi tu voulais réagir par rapport à une meuf qui te griffe aussi toi, c'est ça? Non, moi c'est mon ex qui me mord les pieds en fait. Parfait, alors ne bouge pas, on en parle dans un instant, d'accord? Ok, pas de soucis. Bon bah bouge pas, bah tant qu'à faire, si vous êtes déjà tombé sur des filles ou des garçons qui avaient des pratiques un peu particulières, genre là en l'occurrence la meuf qui mord les pieds, il y a des meufs qui peuvent peut-être aimer aussi qu'on leur mordit, mais parfois un peu fort aussi les tétons. Ouais. Je sais pas moi, des trucs tirer les cheveux, tirer les oreilles, mordre les oreilles, enfin bref, en gros un petit peu faire mal. Si vous avez des petites anecdotes à nous raconter comme ça, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Je vous l'ai fait découvrir hier. Eh bon, on va se le remettre maintenant. Pitbull, Jennifer Lopez, c'est la musique du Mondial 2014 qui démarre très très bien d'ailleurs pour la France. Je sais pas si vous avez regardé le match, je suis tombé dessus tout à l'heure par hasard de Manchester United face au Bayern. Non, c'était le Bayern face à Manchester United. Donc dans le Bayern, il y a Ribéry. Manchester United, il y a Patrice Evra, ouais, qui joue dans la même équipe. Oui. Et ils ont failli se mettre sur la gueule. Ah bah oui, mais c'est parce que c'est de l'amour, c'est fusionnel. Voilà, mais il est encore en équipe de France, Evra, parce que moi je sais plus maintenant. Je sais pas s'il a encore le droit d'y aller maintenant. Ah, il a peut-être plus le droit d'y aller. Ah, c'est pour ça qu'ils ont failli se mettre sur la gueule. Dites-nous, parce que je crois qu'il a été, il est privé de, ouais, de France, là. Il y a des matchs de suspension. Bah, dites-nous, tiens, si c'est le cas, alors, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont mis sur la gueule. Enfin, qu'ils ont voulu se mettre sur la gueule, peut-être. Bon, donc, je disais, musique du Mondial 2014, We Are One, c'est Pitbull et Gillo qu'on écoute maintenant sur Fun. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limites que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio minuit 25. Les appels de Toff, on va faire dans quelques minutes encore évidemment. Et Emmanuel qui dit Mickaël, un dauphin qui parle avec un cochon et Pikachu et un chien. Ah ouais, c'est rock'n'roll hein. Nadia également qui dit ah oui, on entend quand même une nette différence avec le micro. Bon bah au moins c'est déjà ça de pris. Et leur message aussi qui dit de Salma sur le Twitter, Mickaël tu me manques trop. Ah oui, c'était en début d'émission, je l'avais pas vu. Plus le temps de vous écouter, mais ce soir je reste au moins jusqu'à minuit 30 parce que tu me manques. Minuit 30, ah ça va, mignon. T'entendras le message Salma alors. Désolé, j'ai été lent ce soir, je l'avais pas vu ton message. Il y a Kim Jong-un aussi qui dit ça ne me dérange pas de faire mal pour le plaisir, bah mais oui. Moi j'aime pas avoir mal. Ah oui, ça le contraire m'aurait étonné. Et Fred Test 34 qui dit bonsoir toute la team, je suis présent et en forme ou presque. Bah j'espère bien. Et Ansa aussi, je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît Mickaël. Je vous écoute depuis le début, j'ai jamais rien eu, merci beaucoup, je vous adore. Bon allez vas-y, un petit message de bienvenue pour toi. Et de 1, attends on va te mettre ça tiens. Va te faire foutre connard. Voilà, et bienvenue à toi donc. Allez, soyez les bienvenus si vous arrivez justement. On va donc récupérer, je l'ai promis, Guillaume. Et puis on donnera la réponse à la colle avec notre ami Camille. Guillaume, 26 ans de Metz, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui, très bien. Alors, toi tu nous appelais par rapport, donc comme je le disais à Mehdi, qu'on a eu en début d'émission. Mehdi donc qui nous disait que... Et bah en gros il se faisait griffer et il se faisait sauter dessus par une meuf qu'il ne connaissait pas. Enfin elle était dans le même bahut que lui, mais c'est tout quoi. Donc il avait quand même envie de la pécho malgré tout. Et donc demain il va quand même essayer de lui faire comprendre que ok, elle peut lui sauter dessus, mais il y a un moment il doit y avoir une contrepartie. Alors Guillaume, toi c'était ton ex qui aimait bien te mordier les pieds. Tout à fait. Mais comment on peut faire ça? Déjà je déteste les pieds, mais comment on peut les avoir en bouche? Ah moi aussi ça me chatouillait en plus. Alors pour peu que il y ait des morceaux de peluche de chaussettes à l'intérieur entre les doigts de pied. Tout à fait, en plus ils étaient crado à mort. Ah quelle horreur. Et alors elle faisait quoi? Elle te les mordillait ou elle te mordait un bon coup là? Elle les mordillait et tout et ça faisait mal à mort, elle faisait comme si c'était un os en fait. Quel ouf. Et ouais putain, elle est complètement barrée. Mais elle avait dit, enfin ça l'excitait de faire ça? Bah oui, ça l'excitait de faire ça. Putain, ouais, Mickaël, ouf. Bah ouais, mais complètement barré, mais pourquoi elle faisait ça? Bah, je sais pas, parce que c'était son kiff. D'accord, elle faisait ça avec les autres mecs aussi? Non, j'en sais rien du tout. Elle me l'a pas dit ça. T'es resté avec elle longtemps? Oui, 2 ans. Ah quand même, et pendant 2 ans elle a fait ça? Oui, pendant 2 ans elle a fait ça. Oh là là, moi je pourrais pas, hein. Non mais et la première fois qu'elle te fait ça, parce que c'est bizarre quand même, la meuf, elle te retire sensuellement ta chaussette qu'elle jette au bout de la pièce, et là elle te prend les orteils et elle te mord un bon coup dans le pied. Bah ça fait mal et on est choqué sur le coup hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Note, mieux vaut qu'elle morde le pied que la bite hein. Oui tout à fait. C'est vrai. Elle me passait aussi les tétons. Oh là là. Et toi tu pouvais rien faire ou c'était pas ton délire? Je kiffais les... Quand elle me passe les tétons, je kiffais en fait. Mais les pieds, je kiffais pas du tout. Il fallait lui dire, attendez, mais il faut dire les choses aussi, les mecs, hein, les, même, oui, les filles d'ailleurs. Faut pas quand, faire on les... le dit, quand on le dit aux filles, après, elles font la gueule après. Donc, mais non, rien. Mais il faut leur dire d'une manière intelligente. Ouais, sensuelle, une bonne baffe dans sa gueule. Je jamais les fais ça. Allez hop, une minute. Supprimer de l'antenne pour une minute, qu'il est con lui alors. Bien fait pour ta gueule. Voilà. Bon, donc je disais qu'il y a, des trucs intelligents à dire. C'est-à-dire que tu dois pas dire non, ce que tu fais, j'aime pas. Alors évidemment, elle va se braquer. Comme les mecs d'ailleurs, hein, cela dit. Hein. Non, il faut dire intelligemment. Non, mais il faudrait que tu fasses peut-être. Essaye de faire ça pour voir et après tu détournes le truc. Hop. Bon, pourquoi moi je me braque jamais? Oh bah non, presque pas, tiens. Mais non, bah, mais en même si temps, tu fais rien, tu peux pas te braquer. Ah bon, d'accord, je savais pas. Mais pardon. Tu fais pas de cuni, tu fais pas d'anulingus. Mais non, mais moi je baise, je fais pas de cuni, bah tu ouais. Tu fais pas de. Qu'est-ce qu'il faisait pas encore, j'ai oublié. Ah, tu fais des anulingus, non, toi non, jamais, ça, voilà. Pas, non. Il y avait un truc qui faisait pas, merde, j'ai oublié. Non, c'est un juste ça. Supprimer l'antenne, c'est dommage. Non, c'est la. C'est, j'aime pas l'Amazon. Il roule pas de galoche. Ah oui, si. Oui, oui, c'est ça. Il n'aime pas, non, il n'aime pas avoir la fille sur lui parce que sinon il a. Ah oui, l'Amazon, il n'aime pas. C'est elle qui domine et ça, il n'aime pas. C'est lourd sur toi. Ouais, il n'aime pas ça, exactement. Oui, je me souviens maintenant, effectivement. C'est quoi? Bon. C'est quoi le dossier lourd? Bah c'est tout ça, on d'accord, on accumule, okay. Je note dans un cahier. Non mais je croyais que t'en avais un là. Ah ça y est, toi faut revenir, ça y est, c'est fait. Voilà, ça y est, ça dure jamais assez longtemps, faudrait que je fasse des chronos de 2 minutes. Ouais, il faut augmenter le chrono. Ah bah ouais. Non, bah non. Si. En fonction de la connerie que t'as dite, ce sera une sorte d'échelle. Ah, c'est comme ok, c'est le jaune, c'est 5 minutes. C'est quoi, voilà. C'est 5 minutes. Tu vois, il fait le malin. Et 5. Ouais. Et carton rouge, c'est dehors. Il fait le malin, là. Voilà, carton rouge. Bon, Anissa qui est avec nous, Toulouse. Oui, Guillaume. Oui, je voulais juste dire un truc. Enfin, plusieurs trucs, vite fait. C'est que je félicite Bruno Guillon pour son émission On ne demande qu'à en rire. Oui, sur France 2. On l'a vu tout à l'heure, là, effectivement. C'était pas trop bonne, les deux, là. Ah moi j'ai kiffé, elle est excellente l'émission. Oui non, je parlais pas de l'émission, je parlais des deux. Les deux, comment elle s'appelait encore? C'est machin là. Loïc et Clark. Loïc et Clark. Loïc et Clark, oui, tout à l'heure en début d'émission sur France 2 avec Bruno. Elle c'était pas très bonne. Et je voulais dire aussi à Christina Guilloton que c'est pas bien de virer Astérix comme elle l'a viré ce matin. Okay. Parce que tu peux nous expliquer parce qu'on dort nous le matin. Hein, parce que apparemment Christina ce matin elle a viré Astérix qui est venu voir l'équipe. Elle a bien et fait. Elle l'a viré en fait. Mais elle l'a bien fait. Oui mais tous les enfants ils vont pleurer. Hein. Mais non t'inquiète pas. Ouais, moi aussi j'ai pleuré. Hein. À part toi personne. Bon merci Guillaume en tout cas d'avoir appelé. Et je voulais lancer un défi à Sandro si c'est possible. Non. Parce qu'en fait je travaille au New World à la foire. Et t'aimerais qu'elle vienne? Ouais faire un tour dedans. Et ben tu as perdu ton défi. Et toi aussi Michael j'aimerais que tu viennes. Eh ben t'as perdu ton défi. Ah je déteste les foires. Ah pareil. Oh là là là là là là. J'aime pas les parcs d'attractions, j'aime pas les foires. J'aime pas, mais c'est le truc, ça tourne sur tous les trucs qui tournent dans tous les sens, etc. Et puis toute cette tout ce côté heureux dans les parcs d'attractions. Je déteste. Et d'ailleurs, il y a un parc d'attractions, je crois que c'est en Belgique, ils vont mettre des animations dans les fils pour que tu te fasses plus chier pendant que tu. Ouais, mais c'est pas sûr encore ça. Il y en a qui ont demandé, mais c'est pas encore validé. Ah merde, je pensais que ça allait se faire. Non, c'est pas encore validé. Bon, Guillaume, je te repasse Sandro de toute façon. Merci d'avoir appelé. Anissa également de Toulouse. T'es là, Anissa? Oui, bonsoir, Michael. Ça va bien? Oui, ça va. Salut. Bon, alors, Anissa, toi, t'aimes bien. Qu'est-ce que t'aimes bien, toi? T'aimes bien les griffures, les non, petites violences? J'aime pas trop, justement. Je préfère les personnes qui sont douces, quoi, parce que c'est toujours agréable. Non, mais bien sûr. Et moi, j'aime bien me faire électrocuter. Mais après, il y a des trucs aussi, tu sais, genre les petites claques sur les fesses, etc. Ça dépend comment c'est fait. Ça, c'est sûr que c'est autre chose. Et puis, voilà. Ça dépend du moment, j'ai envie de dire. Ouais, tirer les cheveux, s'essuyer dans les cheveux, enfin des trucs classiques, quoi. Ouais, voilà. Par exemple. Mais c'est ce que Polo adore, hein, s'essuyer dans les cheveux. Moi, j'aime bien tirer les cheveux, ouais. Voilà. Et m'essuyer dans les cheveux. Évidemment. Parce que c'est par les soucis d'hygiène. Bien sûr, et évidemment. Et ne pas gâcher du Kleenex parce que ça, tu vois, ça pollue. Mais bien sûr. Paf, tu es Jacques Boudin. Totalement, bien sûr. N'importe quoi. Bon, et donc, Anissa, toi, qu'est-ce qu'on t'a déjà proposé que t'as pas trop kiffé ou t'as pas voulu faire? En fait, j'avais mon ex. Moi, c'était un peu plus soft. J'avais mon ex qui aimait bien me lécher l'oreille, en fait. Mais vraiment l'intérieur de l'oreille. Il allait te faire un nettoyage bien en profondeur. Non, j'enlève le cérumen. C'est ça, quoi. Ah ouais. Et tu sais qu'un médecin m'a dit que. Enfin, même j'ai eu un ORL et mon généraliste qui m'ont confirmé le truc parce qu'au début, je me dis, l'ORL, il a dû fumer la moquette, à mon avis. Mais non, il faut jamais utiliser de coton-tige. Non, et même oui, de non, produits. Il faut pas, d'ailleurs, je suis apprentie en pharmacie, il faut utiliser des sprays extraits. Eh ben, même pas. pour nettoyer l'oreille. Même pas. Apparemment, il faut même pas. Bah, mon ORL et mon médecin m'ont confirmé. Il faut rien utiliser pour nettoyer les oreilles. Il faut simplement le faire parce que déjà, ça, c'est censé partir tout seul. Et de plus, quand vous prenez une douche, en fait, vous mettez un peu de un petit peu de savon et de jet d'eau, etc. Mmh. Et ça va partir. Alors évidemment, si vous n'avez fait aucun entretien pendant 6 mois, bon, il y a un moment, il faut quand même se nettoyer. Mais l'entretien se fait sans coton-tige. Oui, d'ailleurs, c'est le pire. Ça tasse la cire. Exactement. Ça, ça pousse tout à l'intérieur. Tu fais des bouchons. C'est comme ça que tu fais des bouchons de cire humaine. Bouchons de cire humaine. Tout à fait. Ouais. Voilà. Eh ben merci Anissa d'avoir appelé. Ben merci à vous et vous êtes géniaux, franchement continuez comme ça. Oh, c'est gentil. Je te fais des gros bisous Anissa. Gros bisous, ciao. Salut, ciao Anissa. Nathalie aussi dans quelques minutes et Cindy, vous êtes là les filles. Allô. Allô, voilà là, oh, d'accord, j'ai eu salut, j'ai cru qu'il y avait personne. Ça va Nathalie? Ça va. Ça va Cindy? Oui, ça va. Bon, très bien. On va parler de ce que vous aimez ou pas au lit en termes de petite violence, évidemment. Là, pas de surviolence. Hein. Les deux à s'habiller en baggy et à mettre des baskets. Hein. Oh, pas forcément. Ah je sais non, pas. Non. Ah bon, d'accord, ah, bon. Ok. Bon, on va en parler dans quelques minutes. Cindy reste avec nous, Nathalie aussi. On aura Lucas dans quelques minutes aussi. On aura Kevin et puis on aura Camille pour le résultat de la colle. Ce sera juste après. Ah, bon, on peut le faire maintenant, tu as un peu de temps. Tiens, Camille. Ouais. Bon allez c'est parti, on va savoir si tu gagnes ou pas maintenant ton écran plat 32 pouces, ça va être la folie totale si tu le gagnes, attention, on y va, on appelle le gagnant ou la gagnante puisque tu as posé une colle depuis 23h tout à l'heure. Si quelqu'un décroche maintenant et donne la bonne réponse, il gagne. Si la réponse est mauvaise ou qu'il ne décroche pas, tu gagnes, on y va. Allez. Allô. Allô. Oui bonsoir, comment tu t'appelles? Kevin. Kevin? Oui. Kevin, attends. Quel est ton sexe? Oui, qu'est-ce que est-ce que tu as un truc entre les jambes? C'est Karine. Ah, Karine, ah, Karine. Oui, Karine. Oh, ça va mieux. J'ai cru Kevin. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ah, bah, oui. Ça va beaucoup mieux, là. Enfin, ça va beaucoup mieux. Après, c'était comme tu veux, hein, mais bon. Bon, alors, Karine, il y a Camille qui a le col à te poser. Alors, vas-y, Camille. Quelle est la différence entre Toff et sa photo? Elle est développée. C'est quoi? Elle est développée. Ah ouais, c'est ça. La photo. Oh, c'est bon ça. Christophe. Eh bah bravo Karine. Eh bah bravo, bravo. T'as trouvé toute seule ou tu t'es fait aider? Je me suis fait aider par mon compagnon. Ah. Eh bah très bien, bah donc c'est lui qui repart avec la télé. Bah oui. Eh bah oui, bah très bien, bah voilà. Ça en même temps, ils partageront. Hein. Oui, voilà. Écran 32 pouces, c'est pour toi. Bravo à toi Karine. Cool. Je te fais plein de bisous. Merci à toi. T'es dans quelle ville vous faites, Karine? Chambry. Chambry, d'accord, ok, très bien. Bon, on embrasse tout le monde. Salut, Karine. Bisous. Allez, à bientôt. Bon, bah, Camille, en tout cas, la colle était originale. Ouais. Oui, c'était pas mal. Bravo, bravo, Camille. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, peut-être. Je peux passer une dédicace? Allez, vas-y, t'auras gagné ça au moins, là. Une personne, choisis la bonne. Bah, tous ceux qui auront reconnu Bouteille. Eh ben, très bien. T'as prévenu tes potes que tu passes à la radio? Ouais, tout le monde. Très bien, tu as très bien fait, Camille. C'est parfait. Bon, ben passe une bonne soirée en tout cas. Salut, salut, Camille. Allez, à plus. Allez, à bientôt, Camille. Allez, hop, on va s'écouter. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? Calvin Harris, tiens, maintenant avec Summer. Ça me paraît un bon plan, ça. On va s'écouter ça maintenant. On est au cœur de la nuit sans pub, juste après les appels de Toff, comme promis. Et puis, bah, on aura aussi Kevin, là, qui apparemment imite un bon imitateur encore. Ah. Un petit dernier qu'on fait ça en quelques minutes, là. Bougez pas, il est minuit 36 sur Fun. When I met you in the summer. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. On Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, minuit 40, avec Nadia qui dit: moi j'aime bien qu'on me mordit le lobe de l'oreille. Ça me fait des frissons. Par contre, à l'intérieur de l'oreille, non. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est dégueulasse. Le lobe, ça va. Le lobe, c'est sympa. Bah oui. C'est comme le bord des lèvres, tu sais, quand tu mordis un peu le bord des lèvres, c'est cool. Exactement, oui, mais pas trop mordre non plus. Hein. Bon, inscrivez-vous également. Dans quelques minutes, on va jouer au karaopé, comme tous les mercredis soirs, vers 1h du mat. Si vous voulez participer, on cherche des gens pour se marrer. On cherche deux garçons, deux filles. Vous appelez le 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Le principe est relativement simple. Hein. On va vous faire écouter une chanson, son dance floor, ou ringard, ou dessin animé, ou film, on s'en fout. C'est une spéciale ringard ce soir. Ah, c'est une spéciale ringard ce soir. Ah d'accord, ok. Alors je vous donne carrément, je vous donne juste un petit exemple là, par exemple, justement. Alors attendez, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc, il fallait retrouver ça. Eh ben, c'était Britney Spears. Et dans l'autre sens, vous entendez la différence. Hein. Écoutez bien, je vous le remets là. Et la version paix. Voilà, vous voyez, c'est facile, hein? C'est facile. Bon, appelez-nous. Bah oui, 01, c'est évident. Mais oui, 01 42 48 5000. Vous nous appelez et on joue ensemble au karaopé dans quelques minutes sur Fun Radio. Allez, on va appeler d'autres personnes puisqu'il y a une Anglaise qui nous a... Enfin, c'est une information sur laquelle nous sommes tombés, qui a 50 orgasmes par jour, elle n'en peut plus. La elle souffre d'une maladie, hein. C'est pas qu'elle couche avec des mecs qui sont super bons au lit, évidemment. Non, donc, c'est ça. Parce que voilà. Même moi, je n'arriverai pas à ce niveau. Surtout toi. Et donc, on va appeler des gens maintenant afin de leur poser la question de savoir s'ils ont déjà réussi à faire jouir leur femme 50 fois par jour ou si on tombe sur une femme, on va lui demander si elle a déjà réussi à jouir plus de 50 fois. C'est ça, exactement. Donc, on y va. On était au moins encore tout à l'heure, pas très gentil. Hein. Non, il a voulu m'éjaculer à la face. Oui, il te voulait beaucoup de mal. Pour ceux qui d'ailleurs n'étaient pas là tout à l'heure, hein, c'était quelqu'un de très gentil. Ferme-la, tu n'as même pas le droit de parler. Ah ouais. Pas le droit de parler. Qu'est-ce que tu réponds? Va te faire enculer. Tu es allé te faire enculer, toi. Ah voilà, c'était celui-là. Hein. Je te fais une belle tache dans ta face de merde. Voilà, la belle tache, c'était par rapport à ça. Je te sperme au visage. Quand on vous disait que les gens étaient quand même plutôt cool, on avait pas adorable. Menti. Allez, c'est parti, on y va, on appelle grâce au numéro comme d'hab que vous envoyez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. C'est parti, ça sonne maintenant, minuit 42, on appelle. Bonjour. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir combien d'orgasmes vous arrivez à donner à votre femme en une journée. Pardon ? Donc combien d'orgasmes vous arrivez à donner à votre femme en une journée ? Ma femme est zéro, mais ta mère, on met encore 3 ou 4, PD. Mais enfin monsieur, pourquoi vous dites ça ? Ah oui, oui, oui. Bon, un peu de violence quand même encore, hein. Oui, oui, oui, oui. Allez hop. C'est reparti. On est devant le sud là, non? Je pense. Hein. Qu'est-ce que tu veux encore? Bah, enfin, monsieur, faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelle juste pour vous poser une petite question. Ah bah, je t'ai répondu à la question, que tu me casses les couilles. Bah, non, vous m'avez pas répondu. Je sais toujours pas combien vous arrivez à en donner à votre femme. Ah bah, je t'ai dit, zéro et ta mère, 3 ou 4, PD que tu es. Mais enfin, monsieur, un peu de calme. T'as que ça à faire, appeler les gens. Bah, oui. Mais vous pourriez être un peu plus gentil en me répondant, monsieur. Ouais, va te faire un peu enculer, oh. Bah, enfin, monsieur. Non, va te faire enculer. Bon, oh, quelle on violence, pose la question, quelle on va encore, le rappeler. Hein. Ah. Si Evra allait jouer ou pas en équipe de France à la Coupe du Monde, et donc Thomas confirme hein, qu'il a fait tous les matchs, donc si Deschamps veut, il ira. Ah, ça y est, il a fait tous ses matchs de suspension. Donc, autant vous dire que ça va être bonne ambiance, vu ce qui s'est passé sur le terrain entre Ribéry et Evra tout à l'heure. Ça va être parfait. Ça va être magnifique. On n'est pas à l'abri qui est le bus bis. Ah oui. Allez hop. Un bus chacun. Ouais, chacun son bus. Allez hop, on rappelle encore un petit coup chez ce monsieur là. Qui t'a proposé plusieurs fois d'aller te faire. Allô. Oui, monsieur, vous êtes vraiment vulgaire. Et toi, mais va niquer ta grand-mère, la grosse pute au PD que tu es. Mais enfin, à foutre. Mais enfin, ma grand-mère vous a rien fait, monsieur. Et toi, tu me casses les couilles, c'est ce que tu comprends, ça, au moins. Mais je vous casse pas les couilles, monsieur, je vous appelais juste pour vous poser une question, et puis vous, c'est vous qui êtes vulgaire. Je t'ai répondu, tu me rappelles, espèce de gros PD que tu es. Bah oui, parce que vous êtes vulgaire et désagréable, monsieur, moi j'aimerais bien que vous vous excusiez. Je t'emmerde, gros PD, je vais te mettre une bombe dans le cul, je vais te faire sauter, gros PD que tu es. Ah non, quoi. Ah non, monsieur. Espèce de gros PD. Non, mais c'est pas gentil tout ça, monsieur. Ah, il a raccroché, putain. Je vais te mettre une bombe dans le cul, je vais te faire sauter. Ta grand-mère. On rappelle. Ah, il est bon. Mamie, je suis désolé. Hein. Oui, bah oui. Allez. Allô. Oui, vous voulez pas me dire un truc gentil plutôt, monsieur? Alors écoute-moi bien, on nous a appelé en numéro privé, donne-moi ton numéro de téléphone. Oui, alors 01 42. Alors écoute-moi bien, gros oui. PD. Oui. Si tu me donnes ton numéro de téléphone, je le fais tourner dans toute la Corse, on va te retrouver, on va te faire sauter, espèce de gros PD. T'entends que tu. Je t'entends ou quoi? Oui, gros alors. PD que tu es. Oui, alors 01. Ah bah non, ah bah oui, bah alors. Bon, attends, on le rappelle encore un coup là, attends, hop. Sandro, on te le laisse, hein. On va lui donner son numéro et puis. Non mais vous avez. Je vais t'enculer, maman mia. Oui mais vous avez pas pris le numéro monsieur. Donne-moi ton numéro et tu vas voir, tu vas être content du voyage. Vas-y, donne. Alors 01 42 Ouais 48 1 50 1 00. Ok, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de rappeler tout de suite, on verra si c'est ça. D'accord, et bah à tout de suite monsieur. À tout de suite gros PD. Ah. Oui. Allez, bon courage Sandro, hein. Voilà. Il y a un monsieur un peu vilain qui va t'appeler, tu verras. Voilà, et ne dis plus Fun Radio quand tu décroches les prochains appels, tu dis allô. Oh, t'as vu ou quoi? Il va appeler pour les imitations. Oui, demande-lui d'imiter le corps, ça va, il va être bien reçu. Ou la bombe. Oui, on va demander d'imiter la bombe, ouais, ça peut être pas mal. Bon, il y a un message de Nadia aussi qui dit ouais, un peu de violence dans le sexe, ça peut être agréable, mais pas à outrance. Des tirages de cheveux, des fessées, des claques par exemple, etc., etc. Ouais, des petits t'aimes ça salope. Des, par exemple, je sais pas. Bon, alors Nathalie de Montauban. Nathalie ? Oui. Ah, on t'entendait mal. Qu'est-ce que tu aimes bien faire, toi, au lit, genre des petites violences, ou qu'est-ce que tu n'aimes pas faire ? Alors, moi, j'aime tout. D'accord. C'est-à-dire, tu aimes tout, le fouet, les menottes C'est ça, tout à fait. Alors, explique un petit peu, là, qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que te, qu'est-ce que, y avait des trucs que t'aimes pas ? Non, avant, faut se mettre en condition. Nathalie, ouais. Combien mesures-tu ? Combien mesures-tu ? Moi ? Oui. 1m65. Alors, 1m65, combien pèses-tu ? Très bien. Je prends note, hein. Combien pèses-tu, Nathalie ? Comment ? Ton poids ? Mon poids, 65 oui. kilos. D'accord, ton tour de poitrine ? Ouh, 95 D. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? D comme Denise ? Comment ? Oui, D comme Denise. Voilà. Ah oui, D comme des putains de... Une grosse des, voilà. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? Ou comme Dodu ? Comment ? Le dernier pantalon que tu as acheté ? Le 38. Eh bien, bienvenue, Nathalie. Et est-ce que tu as une petite combinaison en cuir pour me fouetter ? Ouais. Est-ce que t'as déjà fait... Est-ce que t'as... Ah bon. De quoi ? J'ai même plus qu'une petite combinaison. Ah, qu'est-ce que tu as ? Fais-moi rêver. Tu as quoi ? Dis-nous d'où. Ouf, j'ai la combinaison d'infirmière, de militaire... Oh là là, j'adore. Ah ouais, alors vas-y, vas-y, explique, mais comment ça t'est venu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi tout. Ben, je suis tombée sur un mec, et il aimait me mordre les lèvres, pas les lèvres de la bouche, bien sûr. Ah oui, d'accord. Et du coup, ben, j'ai beaucoup aimé. Et donc, ben, tout ça m'est venu, et voilà. D'accord, ok. Et bah, alors, dis-moi un peu comment c'est arrivé la première fois. Okay. À quel moment t'as commencé à t'habiller de manière un peu bizarre, à faire des pratiques un peu particulières ? Ben, juste après qu'il m'a fait ça, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ben, on a commencé à parler de tout ça. Et, puis après, on est allé au donjon de maîtresse Sarah qui m'a attaché. Il m'a traîné en laisse dans les rues de Montauban. Voilà. Non, peut-être pas. Mais rassure-moi, t'es quand même pas perché au point de... Comment ils s'appellent nos amis là À la fistinière. La fistinière. Comment t'es quand même... Par contre, je retire ce que j'ai dit. Hein. Nettoyez-vous les oreilles. Ouais. Ah oui. Non, je disais, est-ce que tu n'es quand même pas perché comme nos amis de la fistinière ? Non, quand même. Mais ah, la fistinière, leur seul truc un peu barge, c'est le fist. C'est pas, tu vois, ils font rien d'autre. Hein, voilà, peu barge. Non mais oui, c'est que les mecs qui se mettent des boules de bowling dans le fion. Ah bah monsieur, parce que vous ne savez pas ce qui est bon, monsieur. Ah ouais. Bonne boule de bowling dans le trou du cul. Mais c'est leur seule déviance. Ils s'attaquent au cul, tu vois. Alors que il y en a, ils se fouettent, ils s'attachent dans des barbelés. Le mec quand même dit c'est leur seule déviance. Tu sais comme si c'était quelque chose de léger, mec. C'est horreur. Les mecs c'est des ouf. Oui mais c'est leur seule. Je tiens à rappeler que Toff se fait bien attacher, véridique, oui. Sur des croix avec du barbelé et il se met des godes remplis de picots dans le cul. Non, voilà. ça c'est votre passage du désir.fr, sera très content. Comme une grosse salope. Mais exactement. Ça c'est votre déviance. Mais par contre, ouais, le fait que je me sois fait attacher sur une croix pour me faire sucer, ça oui, c'est vrai. Et dernière nouvelle, il s'est mis un autolive dans le fion. C'est pas nos déviances, Toff, c'est toi qui fais ça. Non, c'est votre délire. Non, Toff. Quand est-ce que t'es comme une grosse salope sur ta croix. Mais j'étais comme une grosse chienne. Et voilà, je me suis fait pomper comme une salope. Bon, c'est tout. Vous êtes au téléphone avec moi ou bien ? Non. De toute façon, tu nous écoutes pas quand on te parle. C'est ça en même temps, hein. Tu vois ? Si vous écoutez, je vous répondrai. À chaque fois, tu dis allô, hein ? Hein ? Comment ? Comment ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ce que tu dis ? Elle entend mal, Nathalie. Ça, c'est à force de se faire plaisir en solo, ça, non ? Non, quand même. Bon, un petit peu quand même, non ? Solo, ouais. Un petit peu quand même, non ? Non, non, du tout. Jamais. Bon, attends, on va prendre la vie de Cindy aussi, qui est avec nous de Chartres. T'es là, Cindy ? Oui, je suis là. Alors, est-ce que toi, tu es comme Nathalie ? Non, à mon avis, vu que tu as une voix toute douce, ce n'est pas le cas. Ah, méfie-toi des voix toutes non, douces. Non, moi, je suis pas son style. Hein. Je suis pas à tout essayer non plus. Alors, t'es comment, toi ? Ah ben, je sais pas. Combien mesures-tu, Cindy ? Je fais 1m50. Combien pèses-tu ? Alors, je pèse 1m... Enfin, j'ai... 1m80, tu pèses 1m80. Non, non. Je fais 61 kilos parce que je suis en forme. Ah d'accord. Quel est ton tour de poitrine ? Ah il est content, Thomas. Ah ouais, c'est... Attends. 95 D. Ah bah ça, non, je suis déçu. Oh, c'est tout. B comme ouais. Bien. Là, ça change un peu tout le temps, vu que... Ah bah oui. Ouais. Et en même temps, Nathalie, tu pourrais lui en donner un peu, ça ferait du C chez toutes les deux, hein. Oh non, moi je partage pas, je les garde pour moi. Ouais, moi je garde mon dé. Hein. Je prends aussi des photos de femmes enceintes. Hein. Oh non, je... Bon, ça peut être très beau, mais pas comme tu l'imagines. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ouais, bah en plus, en même temps, ils sont deux dedans. Hein. Ouais, non, ils sont deux dedans. Ah, aussi. Bah évidemment, évidemment. Ouais, mais quand bon, quand par respect, quand même, future maman, je ne te mettrai pas la caisse qu'elle est bonne. Non, mais par contre, quand il sera sorti, elle sera bonne. Ah, bah j'espère pour elle. T'es enceinte de combien là? De 6 mois. Ah, 6 mois, ouais, donc ça va encore gonfler quand même un peu, hein. Enfin, même beaucoup, même. Oui. Ah, bah oui, oui, oui. Et c'est quoi, garçon, fille? Une petite fille. Oh, comment tu vas l'appeler? Liliana. Oh, quelle horreur. Non, je plaisante, c'est pour rire. Non, Liliana, c'est ça? Oui. D'accord, ok, très bien. Bon, et donc, du coup, toi, t'es l'inverse de Nathalie? Ouais, par contre, mon copain souffre quand même depuis que je suis enceinte. Pourquoi? Sachant que. Bah quand avant, on fait l'Amazon, je suis beaucoup plus lourde. Je lui ai cassé la hanche. Il souffre pourquoi? Bah bon, je ne le griffais pas, mais quoi, enfin rien du tout. Et par contre, maintenant, on se ressort avec tous les deux des putains de griffures dans le dos ou même partout, quoi. Ah bon, mais on a des fait grosses griffures partout. Parce que voilà, mon copain, il vit pas, il y a 200 km de chez moi. Donc ton copain habite à 200 km. Je répète parce qu'on on le rentre à mal. T'as le kit ma libre ou le haut-parleur, non? Non. Ah, bon, bah dommage. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, ton copain habite loin? Ouais. Mais t'es enceinte de lui? Non. Ah. Comment? D'accord. Mais ça ne nous regarde pas. Si, temps, ouais. Ah, si, tu peux m'expliquer l'histoire, vite fait? Alors, en fait, mon ex-copain est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Oh, l'enculé! C'est vraiment un sale pédé. Ah ouais, là, c'est vraiment l'enculé, ouais. Ah non, il est pas pédé, sinon il l'aura pas mis enceinte, là. Non, c'est pour rire. Je travaillais en boîte télé, donc sur Chartres. Ouais. Et il embrasse les filles, enfin voilà, les couche même avec, je m'en fous. Mais elles ont 16 ans, quoi. Ah oui, oui, ah, voilà, oui. Foiré. Il en a 21. Je tenais à dire que cette offre qui utilise ma voix pour dire des vulgarités inutiles. Exactement, moi, j'adore, évidemment, évidemment. Moi-même, je suis. D'ailleurs, hop, il prend une minute pour ça. Allez. Voilà. Une minute, sale chien. Et fais pas le malin, on va te donner une deuxième minute. Exactement. Attention. Ouais, je le regarde, ouais. Il fait la moule, genre. Il a tout perdu parce que moi j'ai une bonne réputation dans cette boîte-là parce que j'ai travaillé, j'étais serveuse et gogo danseuse. Donc, ah ouais. Je prends ta photo, Polo à tfunradio.fr. Bon, mais on a compris, mais il est enceinte déjà. Polo, pardon. Et d'accord, et donc le nouveau, il est prêt à accepter l'enfant? Oui. Oh, c'est oui. Beau. Oh, c'est beau. Mais c'est quel beau. Enculé, l'autre, quand même. Ouais, comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Il s'est off. Christopher. Putain. Oh, j'ai eu peur. Mais attends, mais ça ne m'étonne même pas. Je suis sûr que c'est la sous-merde qui est avec nous. Je suis sûr. J'en suis certain. À quoi il ressemblait? Est-ce qu'il ressemblait? Il avait l'air triste comme ça. Non, il est grand, brun. Ah non, bah c'est pas lui. Non, bah là. Les yeux bleus, attends, parce que ça dépend quel âge elle a. Elle a 1m60, donc pour le coup, toi fais grand, 1m60. Vas-y, ouais. Est-ce que. Attends, décris-nous, c'est. La forme du corps. De lui? Bah de Christophe. De Christopher. Bah. Est-ce qu'il est plutôt. Parce qu'en fait, peut-être qu'il a voulu passer incognito, il s'est appelé Christopher. Voilà, est-ce qu'il est coulant? Est-ce que le corps est coulant? Non, pas. Non. Il était costaud, balèze, il était gras, il était quoi? Il était plutôt balèze, mais pas non plus à combattre ses abdos, quoi. Ouais, non, bah alors non. C'est pas le nôtre. C'est pas ta. Non, j'ai côté-là, c'est beaucoup mieux le petit maintenant. Ah bah tant mieux, bah t'auras pas perdu au change comme ça, bah tant mieux, effectivement. Ah non, j'ai pas du tout perdu au change. Eh ben. Parce qu'il aime mon corps actuel, aime ma passion. Il aime quoi? Parce que c'est dur de comprendre. Il aime ma passion. Et c'est quoi ta passion? Je suis patineuse artistique. Ah ouais, donc patineuse, gogo danseuse. En fait, oh là là là là là là là. J'ai perdu mon ex parce que il croyait que je me tapais mon partenaire de patinage. Ouais, mais de toute façon, c'est un enculé, lui, qui l'a essayé. Ah ouais, il se barre. Il y a rien de pire que les lâches. Ça, c'est de la lâcheté. C'est ça, le mec, il met la meuf enceinte, puis après, il se barre comme une merde. Assume un minimum, quelque chose. Enfin, tu vois. Bah oui, donne-lui 50 euros. Mais non, mais pas ça. Mais je veux dire, non. Même si après t'es pas obligé de rester avec la meuf, ouais. Hein, c'est pas pour ça qu'il faut rester avec spécialement. Mais de là à se barrer, c'est genre. Mais dans ce cas-là, il le fait pas, à part si c'est un accident, tu vois. Mais oui, mais pas même si c'est un accident, la meuf elle doit l'avoir. Hein. Ouais, c'est ça le pire. Et en plus, c'est pas l'accident, donc c'est encore pire. Il est tombé enceinte sous stérilé, donc. Ah oui, bah donc c'est un accident. Si, Ouais, mais si je voulais, j'aurais pu ne pas le garder. Oui, oui, non, mais bien sûr, voilà, évidemment. Mais bon, en tout cas, ça se fait pas. Il pourrait, ça reste quand même son gosse, quoi. Bon, enfin, bon, soit. Bon, ben, Nathalie et Cindy, merci à vous deux, en tout cas, d'être passés. Vous revenez quand vous voulez, les filles. D'accord, merci. Gros d'accord, bisous. Salut. Y'a pas de soucis. Allez, salut à ton 90D, Nathalie, hein. Ah, bah, elle est partie. Merci, dommage, ça a coupé. Juste quand je lui viens délicatrice. Ah, ouais, c'est malheureux. Salut, Cindy, je t'embrasse. Une si jolie poitrine. Bah, oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux? Bon, il y aura Kevin dans un instant, il y aura Lucas. On va se faire le karaopé dans quelques minutes, là. Ah, oui. Appelez-nous si vous voulez jouer. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On écoute, comme promis, le son de Rebel Black Pearl maintenant sur Fun Radio. Je vous rappelle encore une fois que si vous écoutez Fun Radio pour la première fois ou l'émission pour la première fois, eh bien n'hésitez pas, vous avez certainement bien fait. Si vous êtes là, vous n'êtes certainement pas là par hasard. Vous êtes peut-être fait, probablement fait chier sur notre radio. Et hop, comme par hasard, vous tombez ici. Eh bien bienvenue, c'est Mickaël No Limite, on est là tous les soirs jusqu'à 2h. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limite, nous, on vous laisse tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio avec tous vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Venez nous rejoindre également sur le Facebook, facebook.com/mickaëlofficiel. Et puis attention également puisque... Ah oui, putain, il faut qu'on parle d'un nouveau record complètement inutile. Je sais pas si vous le saviez, mais Eminem était le mec qui parle le plus vite au monde avec 101 mots en 16 secondes. Ah, écoutez. Ah oui, quand même, oui. Non, mais attends, j'ai l'extrait en plus. Hein. 101 mots en 16 secondes. C'est un truc de ouf. Il est meilleur qu'Eminem. C'est un... Non, mais c'est Eminem. Ah bon? Ça, c'est Eminem. Ah, c'est Eminem. Ça, c'est Eminem. Mais j'ai pas reconnu. Eh, je te jure. Non, moi qui... Attends. Je te jure, moi je déteste Eminem. Je le trouve mauvais. Ah ouais, j'aime bien. Et j'ai pas reconnu sa voix. Ah ouais, bah c'était Eminem. Et donc, il y a un mec qui a battu le record d'Eminem, donc de 101 mots en 16 secondes. C'est Eclipse. Donc le mec fait du beatbox et il fait 105 mots en 16 secondes. Alors écoutez bien. Une bombe atomique au stylo déclenant des débiles rapides à la bine. Il est minimite un peu débile d'or et mes façons d'acide office d'as dans la bouche. Tous les battants à la boum, beatbox sous la douche. Il est minimum, animaux, il est moussé, il est total inimitable. Sortie de l'asile, EK, LP. Spéd éliminer le wakuni à la zika, la boule, débile, ticket, taka, poum, chaque fait des bégibules, des rimes, des bides, les deux bébés, pas de répit, RIP, ODB, VNV, JBC. Moi, on est dans les mandibules. Bon, on n'a pas dit que ça voulait dire quelque chose, hein. Bon, il y a des trucs, mais bon, voilà, c'est pas le cas, quoi. Bon, donc du coup, je voulais savoir si vous arrivez aussi à faire mieux, quoi. Hein, est-ce que vous êtes bon dans le domaine? N'hésitez pas, vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique, évidemment. Est-ce que Polo veut s'essayer? Ouais, je fais quoi? Eclipse ou Eminem? Ah bah Eminem c'est en anglais, Eclipse en français, donc je pense que si tu veux battre leur corps, vaut mieux peut-être le faire en français, je crois. Une bombe atomique. Ok. Prêt? Allez, 3, 2. 1, ah, attends, faut que je chronomètre. Attends. Ah, bah oui, mais alors attends. Attends, parce qu'il a pas de chrono. Ah, si, mais une seconde. Voilà. Alors, ça y est, on y va. Prêt? Ouais, pas 3, 2, 1. Go! Une bombe atomique aussi, le Big Flow, indélébile, rapide à la bénigne, limite un peu débile, d'eau, rémi, face à l'acide, au fusil d'assaut dans la bouche tous les matins, badaboum, beatbox sous la douche, et inimini, manimo, manimo, aussi inhumain, total indé, inimitable, sortie de l'asile, EKL, LIPF, speed, délimine les wax, unis, unis à la zig, à la boule, débile, stop, stop, y'a arrivé où? Tic et tac, il l'a pas fait. C'est, la trois lignes avant la fin. Ouais. Putain, j'ai failli y arriver, hein. Ouais, enfin bon, t'as quand même encore une marge, hein. Bon, alors, Toff, alors 16 secondes, 3 lignes avant la fin, donc... Mais jamais j'y arrive, déjà je vais buter sur tous les mots, donc... Bon, allez, vas-y. 3, 2, 1, go. Une bombe atomique. Merde, j'ai... j'ai poussé à côté du star. Et l'autre, il est méga bon. Concentré. Alors, on y va. 3, 2, 1... Go! Une bombe atomique aussi, le bicadier de l'huile, le bicadier de l'huile, il limite un peu débile, la mire, sur l'acido, du sur le flot d'assaut, une bouche dans tous les matins, madame. Ça a rien, il a raté tous les mots, il a réussi. Là. Et même le premier, même le non, une bombe atomique, il a merdé, alors c'est pour te dire. Eh, dites-nous si vous pensez faire mieux, hein. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Franchement, moi, je suis pas sûr d'y arriver, hein. Bon, je vais essayer par principe, hein, mais Ouais, attends, mais on a pas de chrono, t'as un chrono? Bah, je chronomètre. Ah, tu chrono. Vous ne faites pas confiance? Si, évidemment. Il me semblait bien, alors attention. Donc j'y vais. 3, 2, 1. Une bombe atomique aussi le Big Flo. Putain, j'arrive. Ouais, ah bah tu pourrais bien te foutre de moi. Mais tu peux, Mickaël, avant de recommencer. C'est vrai, c'est vrai. Au stylo Big Flo, d'accord, ok. Vas-y, ouais, vas-y, ne t'inquiète. Suzboule, vas-y, t'inquiète, c'est pas grave, tu m'as t'as droit, t'as droit, vas-y. Je propose, en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le lire lentement et après on va l'accélérer, tu vas voir, ça va rentrer en 15 secondes. Ça, c'est une bonne idée, ça, tiens. On va juste pitcher. Ouais, c'est une bombe atomique au stylo Big Flo, un délivre rapide à la bénie, une limite un peu débile, non, à la limite, faisons de l'acido. Ah, j'ai. Une bombe atomique au stylo Big Flo, un délibile rapide à la Bénil, mais limite un peu débile de Rémi face au Lacido. Oh putain de ta mère, c'est de un jeu de merde. Allez vous faire enculer avec votre jeu pourri là. C'est de la merde votre jeu, il est pourri. Voilà, hop, je joue plus. Il y a Thomas qui dit mort de rire, Toff est complètement ouf. Polo pas mal pour Nadia, comme quoi. Hein. Et Audrey qui dit une petite dédicace à Mélissa. On vous écoute tous les soirs et le lendemain matin en allant dans le cours, dans le train, on parle de l'émission. Bisous l'équipe. Ah bah gros bisous Audrey, bah continuez. Hein. Est-ce que vous insultez Toff même le lendemain dans le bus? Ouais. Et ça, la grande question qu'on peut se poser, tiens. Bon, en tout cas, c'est un jeu de merde. Je sais pas qui l'a trouvé, mais c'est nul. Non, mais c'est vrai. C'est un jeu de con. Bah, mais non, mais c'est, ça c'est m'étonne pas que vous vouliez le faire, tiens. Mais non, mais c'est pas très compliqué, hein. Bah non, mais il faut connaître le texte aussi, tu vois. Et puis ouais, avec un peu d'entraînement. Ouais, il faut un petit peu d'entraînement, voilà, c'est ça. Mais enfin bon. Bon, alors Kevin avec nous également maintenant. Salut Kevin. Salut. Comment ça va? Ça va, tranquille, et vous? Est-ce que t'arrives à faire comme Eminem ou comme Eclipse à mettre 105 mots en 16 secondes? Ouais, en une minute, ouais. Mais ouais, bah ça je peux le faire aussi, hein, mais oui, ouais, ça s'appelle lire un texte. Là, bon, c'est rien. Kevin, toi tu nous appelais pour les imitations, on en a parlé en début d'émission, imitation d'animaux, et donc toi t'arrives à imiter quel animal? J'allais te dire Toff, mais non, mais c'est vrai, en plus c'est Toff. Ah. C'est un très bel animal. C'est mon animal de compagnie. Oui, d'ailleurs, il est rentré aux eaux d'Anvers. Ah non, il est à Marine Land, il suis allé. Oui, il est à Marine Land. Exactement. Trop beau. Bah, comment t'arrives à l'imiter, toi, dis-moi? Non, bah, moi, c'est simple. Tu peux me mettre le son que tu mets là quand il pose les questions aux meufs. Ouais, vas-y, tiens. Et là, tu vois. Merde. Non, c'est pas ça. Vas-y, fais la meuf, Toff. Oui. Bon, bonsoir, comment t'appelles-tu? C'est Cristal. Combien mesures-tu? Je fais 1m65. Combien pèses-tu? 65 kilos. Petite salope. Ah oui. Quelle est ta taille de poitrine? Je fais du 95D. C'est le tour de poitrine. Quel est ton tour de poitrine? Pardon, merci Polo. Parce que la taille c'est 1m80 de poitrine si tu veux par exemple. 20 kilos de sein aussi. Exactement. Oui, ça dépend très de la taille. Long, très gros, tu pourrais y mettre ton gros sexe au milieu. C'est bon ça. Et quel est le dernier pantalon que tu t'es acheté? Un 38 bien serré. Qu'est-ce qu'elle est sale. Si je puis me permettre, certes, bon, on a posé les questions, mais ça, tout le monde peut le faire, mais il y a l'intonation ferme. Oui, combien mesures-tu? Oui, quel est ton tour de poitrine, etc. Et puis à la fin, c'est oui, mais je peux venir te baiser ce soir. Bon, ouais, sauf qu'il ne va jamais. Un peu, hein. Oui, c'est ça en même temps. Mais c'est ouais, c'est du tof. Bah oui, mais évidemment. Bon, bah écoute, merci Kevin, t'as pas été le meilleur imitateur, je veux pas te cacher. Vas-y, dis-moi, Kevin. Là, vous parliez des meufs là qui mordaient pendant qu'elles baisaient et tout. Moi, ça m'a fait penser à un pote. Il était s'appelle avec, Dracula. Non, je vais pas dire son prénom parce qu'il écoute. Donc, je dis rien. Et il était avec sa copine et la première fois qu'ils l'ont fait, bah, elle le tapait, elle. Oh non, mais genre, elle le tapait, elle lui mettait des beignes. Elle le tapait. Elle lui a mis une droite. Non, mais moi j'ai une meuf qui fait ça, je leur mets une, je suis désolé, je suis pas du tout violent ni quoi que ce soit, mais il y a un moment faut quand même pas déconner quoi. Elle lui a mis une droite, elle le frappait. Quel ouf. Et elle s'est éclatée sur lui quoi. Oh la violence. Allez, comment il s'appelle le mec, juste son prénom? Bon vas-y, il s'appelle Damien, vas-y. Oh la honte, Damien, il s'est fait démonter la tête par une meuf. Oh la honte. Le lendemain, il vient, il me dit ouais, je sais pas quoi faire, putain, elle me frappe et tout. Oh, mais là, t'imagines la meuf en plus, bon elle est pas mince quoi, elle est comme Sandro. Elle est grosse quoi, tu peux dire. Non, elle est pas là, c'est une segro quoi. Non, c'est une grosse baleine de merde. Elle va devenir comme ça, évidemment. C'est parce qu'elle est partie chercher un truc, donc j'en profite. On en profite, elle écoute pas. Ah si, il y a des haut-parleurs dans le mic. Placard, en fait on l'appelle le placard ici tellement elle est large d'épaule, truc de cul. Elle va te démonter. Ah bah non, voilà, elle démonte pas, elle m'aime bien. Ah non, ça va. Non, non, elle a rien entendu. Pourtant, il y a les haut-parleurs dans le couloir, mais elle a rien entendu. J'ai entendu la grosse baleine, la grosse. Mais pas du tout, c'est Polo qui parlait de Toff. Polo disait que tu étais une fille très charmante, hyper sexy. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que Toff était une baleine, on l'appelait le placard, tellement il est large. Franchement, vous la racontez parce que vous faites un régime déjà depuis 3 jours. On fait pas de régime, on fait si. Ah, d'ailleurs, tour de taille. Attends, reste avec nous, Kevin. Elle ne parle que de ça dans le bureau, de leur régime. Polo, oui, je me sens mieux depuis que je fais le régime. Ouais, c'est vrai, des vraies gonzesses. Et moi, je suis là, c'est moi le bonhomme de l'équipe. Ouais. Non, mais pour le coup, c'est vrai. Burger King. Tout à l'heure, je lui dis, va me chercher un Coca Zéro, Polo, tu sais, par habitude. Oui, ils boivent des Coca Zéro. Et attends, mais non, bah justement, on en boit plus. Et alors, il me dit, ah ben non, on peut pas, c'est la diète. Des vraies gonzesses là. Tous les jours, ils sont en train de se mesurer le bide. Alors attendez. Sandro, elle fume plus, Sandro. Ah non, elle a arrêté en plus, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça qu'elle a pris 100 kilos. Bon, alors, Polo, il a commencé à 104, il est monté à 105, il est redescendu à 104, il était hier à 103. C'est ça, 103. Et aujourd'hui, il a combien ? 103. 103, ça ne bouge pas. Ça stagne, c'est parfait. Moi, j'ai commencé à 94. C'est ça. Et hier, j'étais à 89. Oui. Très bien. Là, j'ai peur d'avoir un prix un peu là. Comment tu t'as mangé comme un gros porc ? Quoi ? Quoi ? Non, c'est pas en une journée, ça fait 2 semaines là, qu'on est sur le dos là. Ouais, mais putain, du jour au lendemain, t'es à moins 5. C'est bon, du dégonflement. Mais c'est pas du jour au lendemain, c'est. Je te dis, ça fait 2 semaines et c'est du dégonflement parce qu'avant je buvais énormément de Coca Zéro, oui, etc. Ah, donc, t'es un beau gosse alors. Bah, t'as mis à la cristalline. Eh oui, c'est ça, cristalline. Exactement, ouais. Non mais tu vois, non mais je buvais de la merde, il boit de la Contrex. mais j'aime bien moi. Non, le mieux c'est épars. Dégueulasse. Comme ça tu chies après. Des quoi Épars. Après épars tu chies, c'est épars. Bon. Bah ouais. Bon, je suis déjà assez comme ça parce que dans le régime, il faut boire du jus de citron, de bouffer de l'ananas et tout. Eh mec, je passe ma vie à pisser et à chier. Je pisse du cul même. J'ai tellement tout chié ce qu'il y avait dans mon corps, j'ai chié mes poumons là. Aujourd'hui, demain, je vais chier mon cerveau. Déjà, j'en ai pas beaucoup. Putain. Attends, ah là là. 89. Ah, 89, ah bah, c'est bien, au moins ouais. Ça monte pas. Parce qu'il y en a, on demande si ça va pas monter. Ah je demanderai pas de nom. Sandro. T'as dit que t'allais coller les 2 mètres au ruban de 2 mètres pour faire le tour de Sandro aujourd'hui. Mais ça va, on a de la marge, on en a 3. Mais moi, je m'accepte comme je suis, vous êtes belles, les gars. Ah ouais, mais vous êtes belles quand même, on vous aime quand même. 89 quand même. Quand même. Alors attention, Toff qui était à combien, il est monté à combien, il est redescendu. Non, 99 hier, c'est ça? Ouais, et là on est à 97. Oh là! Ouais, 97. Elle est bonne Toff. Ah, mais t'as chié. Mais faudrait voir. Mais comme un porc, j'ai chié 3 fois. Ils sont tous fiers. Et toi Sandro? Ouais, attends, mais justement, attends, je croyais. Moi j'ai rien demandé à Sandro. T'as bouffé quoi au Burger King à la Non, rose. Mais alors j'ai mangé un Whopper, j'ai pris une salade en accompagnement, mais j'ai pris des oignons en plus. Allez, viens Madame Burger. Et un dessert. C'est le pire des onion rings. Je vais au quick. Non, mais elle a perdu. Attends, stop. Elle était à combien au début? Refais l'historique. Alors, donc, on a commencé aux alentours de 77. Ouais. Ah, t'as pas fait ton tableau? T'avais dit que tu le ramènerais. Si, il est fait, mais je l'ai pas joué. Il est dans le bureau, je l'oublie. Oh. Je l'ai pas joué. Je l'ai pas imprimé, je voulais dire. Donc, on était à 77, puis on est. Bah, reviens ici! Attends! Prends mon micro! Il est de l'autre, on dirait qu'il est en train de faire du cheval là! Allez! Bon, alors, que j'ai là, tu peux. Donc ouais. On était monté jusqu'à 86. 86 alors que je fais 89. C'est violent. Tu veux pas mesurer mes seins plutôt? Allez. Non, et que. Bah, il peut le faire après si c'est vraiment. Mieux les seins. Bon, alors, combien? Et donc, je fais 89 et je suis pas maigre, hein. Je veux dire, je suis pas maigrichon quoi. Ah mais j'ai un peu de gaz là. Ouais, bah l'autre chose, elle est tellement classe. Non, on a pas. 86, on n'a pas bougé. Oh merde. Oh, quelle arnaque. Putain, c'est bon, bah bouffe des Burger King tous les jours, tu peux là, regarde. Ouais, bah quick demain là, c'est sûr, j'ai le dévalisé. Bah voilà Kevin, hop là, vous non, y allez. Non mais bon, les mâles, commencez pas à être comme les filles, hein. On vous aime comme vous êtes quand même. En plus, putain, je suis en stress, demain c'est le dernier jour demain. Ah ouais, après on arrête. Ne vous torturez pas trop l'esprit. Ouais, demain c'est le dernier jour, il faut que j'arrive à 88. Ouais. C'est pas grave, tu vas pas mourir Mike. T'es non, bon quand je même. Sais, mais T'es 88. Bon non, mais 88, ce serait bien 88. Tu vas à la pharmacie, tu prends des laxatifs. Non, je veux le faire naturellement. Là, moi. C'est gagné là. Là c'est je gagné. Le fais naturel. Tu feras 50 demain. Non, je le fais naturel, Kevin. On a plus rien à chier, mec. C'est naturel. Tout est sorti là. Il y en a un qui va se taper une irritation de l'anus, je vais rigoler. Ah ouais, bah Toff, là, vu comment il va chier là. Ah mais là ouais là en ce moment c'est violent hein. Ouais non mais grave ouais. Mais je me mets une petite crème après avoir chié. Oh merci. Bon ouais, Kevin, ça s'abîme pas. Merci d'avoir appelé Kevin, tu reviens quand tu veux. Allez, salut Kevin. Ciao Kevin. On aura Jimmy, encore un imitateur dans un instant. Et puis on va faire le karaopel avec Fabien, Romain, Nissa, Nathalie. Salut tout le monde. Salut. Salut Mickaël. Comment allez-vous? Bon, Fabien qui appelle de Mably, Romain qui appelle de Vierzon, Anissa qui appelle de Toulouse et Nathalie de Montauban. Et on va jouer dans quelques minutes. Oula. Fabien, Fabien, enlève le kit main libre. Ah, je suis désolé, je suis dans le camion là. Ah merde, tu veux pas t'arrêter Fabien là? Je suis désolé, non, en plus je suis à Vierzon là, putain. Et quoi, y a pas d'air de repos à Vierzon? Ouais, je vais pas me garer en plein milieu de la rue, je suis en plein centre. Ouais, bah, on a rien à foutre, t'es Mickaël, bah, c'est ça, mec, on a rien branlé là. Tu t'arrêtes, tu te mets en travers, ouais, non, parce que. Non, mais le problème c'est que ça fait de l'écho en fait, Fabien, c'est super emmerdant pour les autres aussi, parce que sinon ils vont rien entendre. Ah putain, alors attends, vous pouvez me rappeler là dans 5 secondes. Ouais, non, bah, on va te rappeler, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va te rappeler et puis on va se mettre le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre? Eh ben on va se mettre Dioro maintenant, tiens, remixé par Mikosé, on va se faire ça, c'est 5 Hours maintenant sur Fun Radio. Il est 1h15, on est au cœur de la nuit sans pub, il y a Jus de Pomme qui dit putain 16 secondes, je sais même pas si j'alignerai 20 mots. Ouais, bah dites-nous si vous êtes capable de faire mieux qu'Eminem et Eclipse à placer 105 mots en 16 secondes. Appelez-nous et on revient après Dioro, c'est 5 Hours sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et on est en direct évidemment avec Lucas aussi qui dit est-ce que je pourrais avoir un petit message de bienvenue bien crade, j'aime ça. Eh ben et oui, avec plaisir. En plus là, alors ce soir on a eu du bol. On a des nouveaux amis là qui sont là. La grande classe ce soir. Hein. Ouais, va te faire un peu enculé, oh. Voilà. Je vais t'enculer, maman mia. Ouais, oui, maman mia. On va te retrouver, on va te faire sauter, espèce de gros pédé. C'est le nouvel ami de tout à l'heure. Je t'emmerde, gros pédé. Je vais te mettre une bombe dans le cul. Je vais te faire sauter, gros pédé que tu es. Oui, oui, oui. Mais va niquer ta grand-mère, la grosse pute, au pédé que tu es. Tu l'as été quand même une violence. Voilà, t'as eu la totale. Emmanuel qui dit j'adore leur mix de Mikosé. Eh bah, tant mieux, il était effectivement plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Mick 10-30-150 qui dit 16 secondes, c'est le temps que je mets, mais pas pour cracher des mots. Et alors. Et Valo qui dit même en parlant doucement, je m'embrouille. Alors, placer autant de mots en 16 secondes, impossible pour ma part. C'est pareil, c'est moi violent. Non plus, je peux pas. Ouais, non, mais c'est assez chaud, effectivement. Bon, allez, hop, c'est parti. On va se faire le karaopé maintenant. Anissa, Nathalie, Romain et Fabien. Fabien, t'es de retour là aussi? Oui, c'est mieux là. Ah, bah là, c'est impeccable. Impeccable, bon, bah, impeccable. Alors, Fabien, tu vas faire équipe avec Romain, l'équipe des garçons. Ok. D'accord, okay. Ça marche. Très bien. Et puis évidemment, ben, Anissa et Nathalie, vous allez faire équipe ensemble les filles. Ok. Parfait, le principe est très simple. Je vous passe des extraits de musique version paix. Il faut me trouver le nom du chanteur, chanteuse ou groupe. D'accord? Ok. Allez, c'est parti. Le premier qui a la bonne réponse doit impérativement donner son prénom avant de donner la réponse. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Exemple, si je passe un son et en imaginant que ce soit Daft Punk, si par exemple Anissa trouve mais qu'elle ne donne pas son prénom et qu'elle dit Daft Punk et que Fabien lui dit bah Fabien et qu'il dit Daft Punk après, c'est Fabien qui prend le point. Ok, ça marche. Très bien. Allez, attention, c'est parti, premier extrait. Are you ready? Ouais. Parfait. Let's go. Je rappelle que c'est un spécial ringard. Oui, c'est spécial ringard ce soir, attention. On y va. C'est ce que. Bah en fait c'est un spécial ce que Toff a dans son iPod. Voilà, c'est ça. C'est toutes les musiques que j'écoute à fond de balle dans mon autolib. Ça va être énorme. Écoutez bien, c'est parti. Oui, Anissa. Anissa, Patrick Sébastien. Oui. Ouais. Au fond les sept de droite, chante les sardines, chante les sardines. Ah qu'est-ce qu'on est serré, au fond les sept de droite. Bon, non. Point trop d'infos. Deuxième extrait, un point pour les filles. On y va, c'est parti. Romain. La danse des canards. Ouais. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se soulevent les vallées. Oh là là. Qui tout le monde. Attention, attention. Allez, prochain, vous le ratez pas. Allez, encore une fois. Pliez les genoux, redressez-vous. Allez, tournez ensemble chez vous, hein. Comme les girouettes. Vous êtes prêts? C'est super chouette. C'est extra fou. Ah, ils ont pas suivi là. Oh là là là là là là. Oh, vous êtes pas bon. Bon, un partout. Vous êtes prêts pour le suivant? Ouais. C'est parti. Oh putain, c'est chaud ça. Fabien. Ah, je sais. Ouais, moi. Fabien. Tata yo-yo. Putain. Oh. On avait dit que c'était ringard, hein. C'est énorme, ça. C'est le téléphone de top, hein. Quelle horreur. Bon, alors ça fait deux pour les garçons là, Anissa. Nathalie, tu peux jouer, hein. Bien joué, Fabien. Merci. Eh, hey, Nathalie. Tu peux jouer, hein. Ouais, bah ça, je me sens sale, quoi. Ah bah ouais, ouais, ouais. Bon, alors attention, on y va, extrait suivant, vous êtes prêts? Ouais. Alors c'est ringard, mais pas autre. Enfin, si c'est ringard, mais je veux dire, c'est pas une chanson que tu mets dans les soirées à 5h du mat, tu vois, quand tu fais la queue leu leu, par exemple, tu vois. Ah, j'y ai pas pensé à la queue leu leu. Faudra que je la mette la prochaine fois. Alors écoutez, c'est parti. Le mec adore embrasser les arbres. Ah, oh, si, on peut la mettre à 5h du matin. Oh non. Si, si, c'est lui. Alors ça, pour le trouver. Ouais, là, franchement, c'est perché de chez perché. C'est quand t'as dit l'arbre. Ouais, il aime embrasser des arbres. Il a les cheveux longs, il est un peu bizarre. Il a toujours Romain, des cuissardes. Romain. Qui ça? Oui. Comme je t'aime. Je suis sorti en fin de soirée pour galocher, ça marche toujours ça. Ah ouais, pour pécho, ouais. Ah ouais. C'est pas de notre âge, c'est la classe. Ah bah attends, mais hey, si t'arrives à trouver Patrick Sébastien. Ouais, mais non, mais pas. Ah, Polo, il a pécho là-dessus. Hein. Ah non. Dans les années 80. Ouais, mais Polo, il chope sur tout ce qu'il veut, lui. Bah oui, merci. Tellement il est bel homme. On se retrouvera. C'est ce que Toff dit en général à toutes les meufs. Ouais, on se retrouve jamais. On se retrouvera. Et puis rien en fait. Hein. Alors attention. Et là, c'est quand Toff part en mode lover. En mode rocker. L'amour. Ah, parce qu'il a une nouvelle veste en cuir. Ah, parfois, il arrive tard. Il sort de l'ascenseur avec la veste en cuir et il est comme ça. Le paradis. Avec sa guitare. Ouais. Je vais lâcher les cuissardes. Ouais. Entre nous. Et alors, il arrive. Si j'ai la guitare sur le dos. Et gars, attendez. Sur son grand ordinateur. C'est comme la meilleure phrase de la chanson. Si la mort nous programme sur son grand ordinateur. Ouais. Et là il arrive, il sort de l'ascenseur, il rentre dans le bureau avec sa veste en cuir et puis là. Allez, pense à moi comme je t'aime. Tu me délivreras. Ah là là là là, quel talent quand même. Bon, ah, alors oui. Du coup ça nous fait 3 pour les mecs là, 1 pour les filles. Oui. Impeccable. Anissa, putain, t'avais bien démarré là pourtant. Hein. Bah oui, mais. Bon, bah on sauve l'honneur, là, on sauve l'honneur, les filles. Hein. Allez hop, c'est parti, on y va, dernier. Attention, on y va, ça fait 2 pour les garçons, 1 pour les filles, et le dernier que je mets maintenant, il vaut 10 points. Ah. C'est le banco. Voilà, c'est ça. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Oui. Ouais. 3, 2, ça c'est trouvable normalement à la première note. Hein. Au premier paix. Normalement. Bon, première note. On y va. Ouais, c'est bon, premier paix quoi. On y va. Fabien. Ouais, Fabien. Fabien. La fête au village, non? Oh ouais. Allez. Eh, hey, Fabien, il écoute ça à fond dans le camion, lui. Hein. Non, mais appelez-moi quand vous faites un répertoire plus récent ou plus commun. Ah, bah, on a dit que c'était ringard. Hein. C'était une spéciale ringard. Ah, bah, ouais, on a dit que c'était ringard. Hein. Hop, dans le camion. Bien joué, Fabien. Eh oui. Oh, dis donc. Ah, tu m'avais déjà fait le coup la dernière fois que tu passais. Ah, oui, c'est vrai. Bon, alors 13 points pour les garçons et un seul pour les filles. Oh là là. Bon, et attends, je vais quand même en faire. Attendez, je vais faire la belle. La dernière vaut 20 points. Le super banco. Ouais, la dernière vaut 20 points. Et ce n'est pas une chanson ringarde. Nathalie, si tu ne trouves pas, là tu vas te taper la honte. Parce que tu dis, ouais, mais une chanson sur ringarde, je connais pas. Non, c'est moi qui ai dit ça. C'est toi, Alissa. Enfin bref. Si vous ne trouvez pas les filles, vous allez prendre cher, ok? Alors attendez, qu'est-ce que je vais vous prendre comme chanson par un garde, comme ça vous allez pas nous faire un scandale derrière là. Alors. Je choisis vraiment tranquille. Ah voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Tant mieux. Parce que moi pas du tout. Parce que j'ai perdu ma version pro. Allez là, voilà. Alors écoutez bien. Et ils ont. Alors je peux vous donner un indice, on n'a jamais vu leur gueule. Ah, Romain. Romain. Mais d'Astana. Ouais. Nickel, oh là là là là, pas là. 33 points pour les mecs, un seul pour les filles. Nickel. Bon allez, j'en mets une, elle vaut 100 points. Allez, c'est le méga banco. Le méga banco, ça vaut 100 points, c'est là. Comme dirait l'autre, parce que la vie est injuste. Attention, c'est la dernière, on retourne dans les ringards, on y va. Fabien. Carlos, tout nu et tout bronzé. Ouais. Mais comment il a trouvé ça? 133 points pour les garçons, un seul pour les filles. Oh là là. Oh là là, la balade. Bon allez, le dernier vaut 1000 points et puis on arrête. C'est quoi? Ouais. C'est l'hyper banco. Ouais, c'est l'hyper méga banco. Bon alors attention, Anissa et Nathalie, vous pouvez prendre 1000 points d'un coup là. Ouais. Bon, vous êtes prêts? C'est pas Ragar, non, c'est Non merde. C'est plutôt Annie 80. Ah. Allez, on y va. Pas bien. C'est pas Michael Jackson. Ouais. 1133 points pour les garçons, 1 point pour les filles. Bien joué, Fabien. Merci. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, allez, le dernier vaut 10 000 points. Allez, dernier, puis après, c'est l'archi banco. C'est l'archi banco. Alors attention, l'archi banco, ça vaut 10 000 points. Il y a 1133 pour les garçons, 1 point pour les filles. On y va, c'est parti. Il cherche toujours son père. Ah oui, je comprends. Nathalie. Oui. C'est qui? Romain. Romain. Attends, Nathalie. Romain. Attends. Nathalie, vas-y, donne la réponse. Ouais. On est sympa. Oh, 10 000 et 1 point pour les filles là, bravo. Et voilà, c'est la dernière, on a dit. Oh putain, ouais, c'est la dernière, on arrête là. Hey, putain, les mecs, vous avez été mauvais. Hein. Ouais. Bravo, Nathalie. Bravo les filles. Hein. Ouais. Bravo les filles. Hein. Bon, oh là, quel talent. Les mecs, vous avez vraiment été mauvais. Hein. Franchement, ah putain, vous avez été archi mauvais. Bon bah tant pis. Ah bah Fabien et Romain là. Oui. Bon bah bonne nuit hein. Merci. Et soyez meilleurs la prochaine fois. Hein. Non. Oh je vous jure. Qu'est-ce qu'il y a Nathalie? À la prochaine les garçons. Eh bah oui, c'est ça. Nous ouais. Aussi on t'aime. Mais oui, on t'aime. Bon bah salut tout le monde, vous retournez tous au standard. Gros bisous. Ok, merci. Salut, ciao à vous, bye bye. Oh, ils ont été mauvais les mecs, ils m'ont déçu là. Une catastrophe. Putain, ils m'ont hyper déçu là. Il y a Adine qui dit Plus ringard, il y a pas. Merci pour ce retour dans le passé. Oh, écoute, avec plaisir. Mais on laisse aussi les chansons dans le passé. Hein. Nadia également. On pense à moi comme je t'aime. Ah, vous me faites kiffer là. Non, mais alors, il faut quand même savoir que cette chanson est quand même assez exceptionnelle. Le mec, parce que c'est quand même une chanson qu'il a faite en mode un peu lover. C'est pour un film. Ouais, ouais. Mais ah bon, quel film ? Ouais, c'est le film avec Alain Delon, là, le passage. Ah, c'est pour ça. D'accord, oui. Ok. Non, parce qu'à un moment, quand il dit quand même, si la vie nous non, c'est là, si la mort nous programme si sur son grand ordinateur. Ouais, si la mort nous programme sur son grand ordinateur. Il me semble dans le film, il y a ça, il y a son fils qui meurt, etc. Alors, il a une excuse. Ah oui, alors, oui. Non, parce qu'en Baiser des Arts, par exemple, il n'y a pas d'excuse. Qui a baisé des arbres? Bah, Francis Lalanne. Non, il les embrasse. Oui, il baise la terre, il met sa bite dans la terre. Non, c'est pas Corabban, ça. Non, c'est Francis Lalanne aussi. Ouais, je pense que c'est Francis Lalanne aussi, il avait dans le même délire. Bon, il y a Déborah qui dit: je vais m'endormir, bonne nuit à vous. Et Mickaël, tu pourrais m'embrasser avant que je ne m'endorme. Déborah. Oh, c'était mignon. Alors, attends, je vais pas te laisser t'endormir. Attends, t'es sérieuse, là, il reste 30 minutes d'émission. Tu vas pas dormir tout de suite, quand même. Ce serait malheureux. Non, alors, triste. Bah oui. Au moins, j'ai enlevé le casque, hein. Oui, c'est un peu violent. C'est pour réveiller tout le monde. Ah bah oui, là c'est... Voilà. Ah bah là on est bien réveillé. Ah hein. Oh bah là ça a bio là, j'ai remis le casque derrière, moi j'ai rien senti. Hein. Pépère, hein. Tranquille. Ah là mais ça va défoncer les oreilles là. Ça va les oreilles chez vous là, dites-moi avec le hashtag Mickaël, par SMS ou sur le Facebook, en termes d'oreilles comment ça se passe. Adeline aussi qui dit, yeah, les filles ont réussi à battre les mecs, mais on peut dire merci à Mickaël qui les a bien aidés. Je vois pas de quoi tu parles Adeline, elles ont été douées, moi je n'y suis pour pas grand chose au final. Bon 1h30, juste après on va appeler les derniers appels avec Tafla. Dernière personne dans quelques minutes, Jimmy dans un instant qui est un bon imitateur. Et on aura Lucas également là du 12 dans le Loc de Crocillon. Salut Lucas. Salut Mickaël. Oh t'es un doux. Oh oui, oh il est tout doux. Mmh. T'es un doux toi. Ouais, si vous voulez. Ah bah non, bah oui, mais t'as pas encore buvé, donc t'es un doux. Tu fais partie de l'armée des doux, de l'armée de Polo. De quoi on va parler dans quelques minutes toi, Lucas? Ben en fait j'ai une copine et en gros elle veut qu'on fasse l'amour. Mais moi, j'ai jamais fait, en fait. Ah, oh, eh ben écoute, on en parle dans quelques minutes. Tu veux fourrer ta saucisse. On en parle dans quelques minutes. Reste là, mon grand. 23h, 2h. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Le son de DJ Cassidy sur Fun Radio. Calling All Hearts. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, et il y a Jules Pomme sur le Twitter qui dit: un hindou qui veut utiliser son tuyau, c'est Mimi. Ah. C'est ça. Et Nadia qui dit: j'adorais le caropé ce soir. Bah oui, mais heureusement, c'est parce que les filles ont gagné, c'est pour ça. Aurélien qui dit: putain, Mickaël, ton réveil fait rien sur le coup, mais c'est après que ça défonce sa mère. C'est du violence. Mais c'est un réveil, bah oui, mais c'est fait exprès. Voilà, c'est comme ça. C'est quand je sens que vous avez une petite tendance à vous endormir, là, paf, je vous le mets. Eh ouais, c'est normal. Et comme ça, on est bien. Enfin, je pense en tout cas. Bon, on va continuer, on va faire des appels aussi pour se mettre bien. On va faire des appels puisqu'on est tombé sur une information là qui dit qu'une Anglaise a une maladie, la pauvre. Enfin, la pauvre. Il y a pire comme maladie, mais ça doit quand même être éprouvant sur le long terme. C'est qu'elle a 50 orgasmes par jour. Oui, c'est un peu beaucoup quand même. Ouais, c'est un peu beaucoup, donc ça va quand même être chiant. Et donc, bah, du coup, on appelle des gens pour savoir si eux aussi ont déjà réussi à donner 50 orgasmes à leur copine ou à leur femme, ou si on tombe sur une femme, bah, si elles ont déjà eu 50 orgasmes. C'est ça. Voilà. Donc on appelle grâce au numéro que vous nous envoyez tout au long de la soirée, hein, sur le mail de Tof. Alors on ne peut pas appeler tout le monde, mais on essaie de faire au maximum. toph@funradio.fr. Allez, c'est parti. On y va, dernier de la soirée, il en a de la chance, c'est lui qu'on appelle en dernier, Well. À presque 1h40. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir combien d'orgasmes votre mari arrive à vous donner en une journée. Ça ne vous regarde pas, imbécile espèce de con. Bah enfin madame, ça se dit pas. Ah, imbécile espèce de con. Ouais, on est remonté dans le nord là. Oui, je pense qu'on les mettait même plutôt vers Charleroi la Louvière, non? Ah peut-être. Je crois, mais sans certitude. On va rappeler, on vérifie. On y va. On rappelle. Attention, on voit le numéro, ce serait plus simple. Bah alors quoi? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir combien d'orgasmes vous arrivez à donner à votre femme en une journée. Ça t'a... C'est un petit con, toi. Pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça? Parce que tu me demandes combien d'orgasmes. Oui. Et moi, je te dis que toi, t'es un con. Mais un gros PD. Mais pas du tout, monsieur, enfin. Mais si t'es un gros PD. Ah non, monsieur, non. Mais si t'es un gros PD. Mais pas du tout, monsieur, je vois pas le mais rapport. Moi, je te dis que t'es un gros PD. Mais moi, je vous dis que non. Mais moi, je te dis que si. Et moi, je vous dis que non, monsieur. Mais moi, je te dis que si. Mais non, moi, je veux juste savoir combien d'orgasmes vous arrivez à lui donner, c'est tout. Et moi, je t'emmerde. Bah, c'est pas gentil, ça, monsieur. Et toi, tu crois que c'est gentil, ce que tu me dis? Bah oui, moi, je veux juste savoir combien d'orgasmes vous arrivez à lui donner en une journée. Attends deux secondes, parce que moi, ici, c'est enregistré, hein. Oui, oui, d'accord. Et ça va être la police après, hein, monsieur. Oui, oui, d'accord, c'est pas grave, ça, monsieur. Ah, c'est pas grave? Bah, non. Espèce de connard. Bah, enfin, pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Moi, je vous appelle gentiment, je vous pose une petite question, et vous vous énervez comme ça. T'as bien à quelle heure tu m'appelles? Bah oui, mais je vois pas le rapport. Et tu sais qu'il y a eu 10 appels de la journée. Bah oui. Indisponible et tout le machin comme ça. Oui, mais enfin, vous faites ce que vous voulez, monsieur, de votre journée, ça ne me regarde pas. Et t'en as eu plein la gueule, là? Bah non, pourquoi vous voudriez que j'en ai plein la gueule, monsieur? Mais quand j'éjacule, c'est plein ta gueule, hein. Mais enfin, monsieur, c'est un petit peu de calme. C'est vous qui êtes un peu de calme. C'est vous qui êtes un peu homosexuel, je pense. Ben oui, je suis homosexuel. Ah ben voilà. Je n'ai même pas de femme. Ah, c'est bizarre parce que je l'ai entendu vous parler derrière, hein, monsieur. Mais tu commences à me casser les couilles, toi. Ah ben oui, mais enfin, c'est pas beau de mentir. T'as de la chance que t'es pas à ma portée parce que je fais 1m80 et 100 kilos, hein. Je te casserai ta gueule, moi. Bah enfin, monsieur, c'est pas gentil. Vous cassez c'est la gueule pas à tous gentil. Les. Vous cassez la gueule à tous les gens qui vous posent une question. Mais des questions comme ça, oui. Eh ben, monsieur, vous êtes violent, hein. Ben oui, je suis violent. Ah ben oui, ça s'entend, hein, monsieur. Hein? Et toi, ben, tu te branles combien de fois par jour, toi? Entre 4 et 5, ça dépend. Entre parfois 6. 4 et 5? Oui. Ben, c'est bien, c'est une bonne moyenne. Ben, je trouve aussi. Hein? Bon, monsieur, c'est pas tout ça, mais on va se souhaiter une bonne soirée. Ben oui, hein, bonne soirée. Hein? Hein? Voilà. Au revoir, monsieur. Salut, connard. Ah, j'ai cru un moment que c'était une discussion amicale. Ah bah oui, oh là là, on était dans l'amicalité là. Heureusement, on a bien terminé. Il y a Beauté d'Orient qui dit ah non Mickaël, t'es pas gentil, tu m'as cassé les oreilles là. J'écoute avec les deux écouteurs. Ah oui, ça. Mais nous aussi on a un casque. Hein. Oui, oui. Voilà, donc on a quand même, on prend cher aussi. Hein. Bertrand également qui dit votre bruit, j'ai cru que c'était ma voiture qui marchait plus, là, gros coup de stress. Et Clément qui dit nouvel ami de Toff, c'est Homer. Pourquoi Homer? Bah il avait un peu la voix mais pas tant que ça. Ah oui. Non bah alors oui vite fait alors. Y a Jimmy avec nous de Dijon là, salut Jimmy. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Non bah, ça va. Bon, pour tous ceux qui ont des numéros de téléphone à donner à Toff encore pour qu'on l'appelle, bah demain en l'occurrence, n'hésitez pas, hein, vous pouvez l'envoyer n'importe quand à la toph@fanradio.fr et puis on les appellera demain soir avec plaisir dès 23h. Alors Jimmy, toi t'es aussi un imitateur? Ouais. Quel animal t'arrives à imiter? Chewbacca. Ah Chewbacca, ah. C'est pas vraiment un animal mais... Quand même, si. Bah, oui, mais vite fait. Bon, alors, vas-y, vas-y. Ah, ouais, c'est pas... ah ouais. Quoi, Chewie? Je fais Han Solo. Quoi, Chewie? Mais il répond, Dio. Dark Vador et... c'est quoi? L'étoile de la mort? L'étoile noire. L'étoile noire? Enculé, je peux. Tout le monde est là. Ouais, ouais, ouais. C'est moi qui fais DDR2. Ah, là j'ai le vrai Chewbacca. Ah, il y a un truc. Quoi, ah, c'est ça. Ouais. Bah, Jimmy, dis-lui quelque chose. Bienvenue chez les débiles, hein. Bienvenue sur Radio Débile. On est là jusqu'à 2h tous les soirs. Bienvenue. Bon, non, pas mal, Jimmy. Hein. Non, t'arrives à quelque chose. T'arrives à faire quelque chose d'autre ou pas? Non, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein, note. Hein. Est-ce que t'arrives à faire Toff? Non, quand même, c'est compliqué cet animal à faire. Ouais, quand même. C'est l'animal le plus difficile à faire. Hein. C'est, ouais, c'est vrai. Bah, c'est une sale bête. Hein. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Bon, ben bah, merci beaucoup, Jimmy, d'avoir appelé. Hein. Eh ben, merci à toi. Eh ben, je t'en prie, tu reviens quand tu veux, Jimmy. Ok, dis-moi, je peux gratter un petit cadeau? Mais oui, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, on va te filer un pack fun sans problème. Ok, ça marche. Et je peux vous poser encore une petite question? Bah vas-y. Pour savoir, vous chaussez du combien en pointure? Combien on chausse 40, ça dépend de la marque, mais 43 en moyenne pour moi, pourquoi? Oh putain, c'est petit. Je chaussais 48 à 16 ans. Ah ouais, mais tu mesures combien? 1m73. Attends, 1m73, tu fais du 48? Putain, mais je fais 1m80, ouais. Je fais du 42. Mais ah ouais, moi je fais 1m78 et je fais du 42, 43, ouais. T'achètes des chaussures de clown? Pas loin quand même, ouais. Putain, c'est mais tu les trouves où tes pompes parce que... Ouais, parce que... Mais t'as pas besoin de ski, c'est pratique, toi. pour le wakeboard aussi. Ouais. Non, parce que justement, c'est pas pratique, il y a ces doigts de pied qui dépassent. Mais c'est quand même le footbear, comment ça s'appelle? Barefoot. Le barefoot, ah, non? Ah, barefoot. Ouais. Mais c'est bizarre quand même que tu fasses de 48. Ah non, c'est Bigfoot, tu veux dire. Bigfoot, non. Ouais. Et non, mais t'as Bigfoot aussi, cela dit. Hein, mais... La technique, c'est du wakeboard, mais sans planche. C'est ouais, du barefoot. C'est du barefoot, ouais, c'est des pieds nus. Exactement, ouais. Mais du coup, comment ça se fait que tu fais du 48? Bon, je sais pas. C'est violent quand même. Hein. Mais ta mère, elle t'accrochait par les pieds ou un truc comme ça, non? C'est dingue. Non, je pense pas quand même, non. Ah ouais. 48 pour 1m73, ah ouais, c'est clair, c'est d'une violence. Bon, et ben voilà, Jimmy, hein, écoute, comme ça tu connais nos pointures. Et ben voilà, et ben voilà. Merci. Et ben avec plaisir, tu reviens quand tu veux, Jimmy. Ok, ça marche. Salut à toi, ciao à toi, Jimmy. Bon, Lucas est avec nous là. Lucas, t'es là? Oui. Très bien, Lucas qui nous appelle donc du Languedoc-Roussillon. C'est où exactement, Lucas? À Beaucaire. Beaucaire, d'accord, ok. Alors, toi tu nous appelles c'est parce paumé, que... Donc. C'est quoi? C'est paumé, donc vous pouvez oui, pas trouver. J'avais cru comprendre. C'est tout près de quelle grande ville? À peu près 7, mais un peu... Enfin... Ouais, enfin, pas à côté quand même, quoi. Voilà. C'est en France. Je crois qu'il y a Montpellier qui est un peu plus grand, non, à côté de 7. Ouais. Mais enfin, moi je dis ça. Non, mais c'est en France, quoi. Oui. Voilà, comme ça on localise, c'est mieux. Comme ça, au moins, on sait que c'est en France. Bon, alors, Lucas. Donc toi, t'es avec une meuf, elle veut coucher avec toi, mais toi, t'oses pas. Mais en fait, j'ose pas la décevoir, en fait. Mais tu t'en fous, elle a déjà couché avec elle. Elle a déjà couché, elle, avec quelqu'un. Ben oui. Mais c'est rien, attends, mais la décevoir, elle sait que c'est que t'as jamais fait, toi, ou t'as fait le malin, comme tous les mecs, en disant, mais oui, moi, j'ai déjà fait mille fois, blablabla, bla, ou pas. Blindé d'expérience. Mais en fait, je lui ai menti. Ouais, je lui ai dit que j'ai déjà fait, mais c'est bon. Eh ouais, mais pourquoi? Y a pas de honte? Surtout pas à 14 ans. Ouais, mais... Mais non. Bah ça fait quoi? Attends, ça se trouve... Eh, tu sais quoi? Ça se trouve, elle l'a jamais fait non plus, elle se la ramène aussi. Bien hein. sûr. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de vous prendre la tête alors que ça se trouve, vous êtes tous les deux puceaux. Ouais, sinon tu vas au pute, hein, et puis comme ça... Bah, arrête, tu l'auras fait. Allez, hop, terminé, une minute, c'est fini. Voilà, hop là, c'est fait. Comme ça, on est tranquille pendant une minute de plus. Bon, je disais, pas la peine de faire du cinéma. Écoute, tu y vas. Si t'es prêt, est-ce que t'as envie de le faire ou pas? N'y va pas le pistolet chargé. Ouais, j'ai bien envie de le faire. D'accord, ok. Parce que la meuf, t'es avec elle depuis combien de temps? Depuis 7 mois. Ah ouais, 7 mois, c'est bien. Bon, bah très bien. Écoute, en même temps, il n'y a pas d'urgence. Si elle a envie, que t'as envie, tant mieux. Déjà, première chose, capote. Surtout si elle l'a déjà fait. Non, mais tu me dis, bah oui, mais il y en a plein qui le font pas. On dit, ah oui, mais j'avais pas le temps d'en acheter. Elle en avait pas, blablabla. Prends des tailles petites, hein, parce que tu vas prendre. Attends, mais à 14 ans, t'es pas forcément une petite bite. Hein. Ouais, non, mais qu'il aille pas prendre des gros trucs. Ouais, prends pas les magnums, hein, tu prends la taille standard, quoi, normal. En revanche, t'as déjà mis une capote? Oui. Bon, non, mais parce que sinon, il faut t'entraîner avant. Non, mais c'est vrai. C'est con parce que tu sais, il faut savoir la dérouler, il faut savoir qu'il faut pincer le bout, il faut. Enfin, tu commences pas à t'entraîner quand t'es devant ta meuf, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Allez, c'est parti, t'as fait de retour là. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, non, parce que j'avais un conseil, il n'y a pas une grosse salope que tu connais. Tu étoffes là, putain. Allez hop, de nouveau une minute. Donc, je disais, tu peux simplement peut-être lui expliquer, tu lui dis ouais mais bon, en fait moi j'ai fait que les préliminaires, comme ça si elle te dit un truc, tu dis ouais mais bon je l'avais déjà fait, j'ai juste pas eu la pénétration, mais ça c'est pas grave, tu vois, hop, t'essaies de noyer le poisson. Ok. Ça ça peut être une bonne idée. Attends, il y a Valentin aussi avec nous là, de Montauban, là, de retour là. Valentin. Salut Mickaël. Ça va? Enfin re-salut. Ouais bah toujours. Hein. Bah oui. T'avais un conseil toi par hasard à filer à Lucas? Ouais bah écoute, moi ça s'est passé, j'avais 13 ans et ouais. En fait j'ai jamais vu ma copine en fait. Pendant 7 mois on était ensemble et on s'était jamais vu. Mmh. Et bah on en avait parlé quoi ensemble. Et pareil, j'étais puceau. Et le truc c'est qu'il faut vraiment rien planifier. Faut que ça se passe tout seul et que franchement, il n'y a pas besoin de stresser. Et puis, bah, si tu fais de la merde, bah, tu te rattraperas sur une autre. Mais oui, mais bien sûr. Non, non, non, ne lui dis pas, fais de la merde. Il va pas. Non, non, non. Non. Ah, je pensais que vous voulez qu'il l'aille. D'accord. Non, non. C'est si tu fais de la merde. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, ça y est, c'est de retour. Hey, top, encore une connerie, mec, et t'es banni jusqu'à la fin de l'émission. Non, mais parce que fait de la merde. Non, mais jusqu'à la fin de l'émission. Oui, d'accord, mais non, parce que fait de la merde, il parlait de sodomie. Non. Non, non. Ah bon, pardon. Et il était content, il avait préparé sa vanne. Hein. Ah bah, j'ai le temps, j'avais une minute. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, effectivement, il a raison, Lucas. Hein. Ouais. Lucas, il a raison. Après, tu le fais, et après, c'est pas très grave. Si elle est pas contente, on ferait une deuxième fois et puis de toute façon tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Mec, fais pas de conneries, protège-toi, va pas avoir un enfant à ton âge, par pitié. Non mais déjà, effectivement, et puis les enfants et puis tout le reste comme maladie, sachant que elle apparemment l'a déjà fait, il vaut mieux effectivement. Non mais écoute, te prends pas la tête Lucas, vas-y tranquille, n'y va pas le pistolet chargé. Non et sinon un vrai conseil. L'expression tof jusqu'à la fin de l'émission. Non c'est un vrai conseil, c'est un vrai truc. C'est essaie de pas de faire comme dans les films de cul. Hein. Fini à l'intérieur, fais ça proprement. Oui voilà, c'est ça, commence pas à dire ok je vais te finir sur le ventre, sur les seins, dans la gueule, etc. Voilà. Tu lui souilleras les cheveux mais plus tard. Voilà. Ok ouais. Bon, Lucas. Tu vas lui dire que tu l'as menti ou pas? Comment? Tu vas lui dire que tu lui as menti? C'est quoi ce bruit là? Attends mais c'est Valentin là, t'es dans ton camion Valentin ou quoi là? Ouais c'est ça, désolé. C'est quoi le... c'est le clignoteur? Ouais. Ah ouais ça fait clac clac clac clac clac clac. C'est très pratique. Bon ah, donc du coup Valentin... Je sais que t'as tough, hein. Ouais oui, certainement, certainement. Attends Valentin bouge pas. Lucas donc tu vas lui dire que tu lui as menti ou pas? Ouais bah oui. Bon bah très bien, écoute. Voilà, tu lui dis simplement comme je t'ai dit, tu dis ouais bon bah j'ai déjà fait les primaires, c'est juste la pénétration que j'ai pas encore fait donc... Voilà mit mieux. Tu dis voilà ouais bon effectivement j'ai fait les préliminaires, bon tu rentres pas dans le détail et après tu dis bah écoute comme j'ai pas encore fait la pénétration et que toi t'as déjà fait, et bah tu vas me guider. Ouais tu lui dis de la prendre par les choses en main quoi. Voilà. Enfin, de la prendre par la main et sinon un dernier conseil, si elle te suce. Une minute tof. Non non non c'est un vrai conseil encore. Ouais. Si, si elle te suce, préviens quand ça va sortir. Oui, effectivement, ne fais pas la surprise. Hein. Ok. Bon. Voilà, c'est juste pour elle. Allez, tu vas être bon, Lucas, là. Quand est-ce que tu vas tester, alors? Comment? Quand est-ce que tu vas tester? Ben, je sais pas. Bon, bah écoute, tu nous rappelles quand t'as testé pour nous expliquer ce qui s'est passé, d'accord? Ok. Bon, je compte sur toi, hein. Ouais. Bon, allez, salut, Lucas. Je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Ben, au collège Marcel et Mar. Ok, voilà. Eh ben, on embrasse tout le monde. T'as prévenu tes potes que tu passes à l'antenne ou pas? Ah bah non, je veux pas que tout le lycée, tout le collège soit au courant. Bah oui, oui, non mais c'est bien. Bon, bah pas de problème, bah très bien, on embrasse tout le monde là-bas. Et puis tu nous rappelles et tu nous tiens au courant, d'accord? Ok. Salut Lucas, merci Valentin d'avoir appelé également là. Pas de soucis, ciao. Salut Valentin Montauban, ciao. Dans quelques minutes, il y aura Polo Against the Rest of the World. D'ailleurs, si vous voulez participer à cette grande émission d'écoute, cette émission de fraternité, partage, de maternité, de paternité, amour. Bref, tout est là, tout générosité. Est... C'est le meilleur... condensé dans 5 minutes. Ouais. Oh, ça va être beau. Ah, oui. Je suis une espèce de sirop. Exactement. Donc, si vous voulez participer, eh ben, vous nous appelez, hein, 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Donc, il y a rumeur aussi, Romu, pardon, qui dit, le mec, il a 14 ans, il veut faire l'amour avec sa copine, ma soeur a 15 ans, j'ai peur. Ah oui, bah oui, oui, je sais, j'ai le même problème avec moi. Je pense qu'à un moment, il faut bien te rendre à l'évidence. Ouais, mais j'ai le même problème avec elle. Elle a déjà fini avec un steak à l'intérieur. Je te rassure. Merci, Tof. Club Med également qui dit, moi aussi, je fais du 48 pour 1m90. Oui, mais 1m90. Lui, il fait 1m70. Pas pareil. Mon frère étant petit, regardait mes pieds et criait « Un clown, un clown !» Connard de frère. Stéphanie qui dit « Mon ex faisait du 47 pour 1m75. Dur de trouver des ponts. » Bah ouais, tu m'étonnes. Et Kim Jong-un qui dit « Je fais 1m73 et du 46. » Moi qui m'inquiétais. « Ah bah non, écoute, là, t'es plutôt tranquille, à mon avis. Hein. » T'es même plutôt à la cool, je le confirme. N'oubliez pas que demain, c'est jeudi. Et que le jeudi, nous ferons le... Canular. Si d'ailleurs vous voulez participer, il y a un écran plat à gagner ou alors il y a les casques qui valent 300€. Pour ça, il faut être bon dans le canular, évidemment. On appelle quelqu'un, papa, maman, le frère, la sœur, des amis, n'importe quoi. Vous imaginez un petit délire et puis bah on y va, on appelle en direct et puis si on se marre, bah, vous repartirez avec le cadeau. Si vous voulez participer, faites-moi un mail dès maintenant mikl@funradio.fr ou alors vous appelez Sandro au 01 42 48 5000. Avant de faire Polo contre le reste du monde, et bah c'est Pharrell Williams qu'on écoute au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Pharrell Williams avec Marilyn Monroe. 1h55, on est bien, on est pépère, on va chier pendant que Tov va encore chier. Enfin, ce qui reste, hein. Bah, il en reste un peu. Et, ah bah, tant mieux, nous voilà rassurés. Allez, bonne nuit tout le monde, Mickaël Noémy jusqu'à 2h, bienvenue. This one goes out to all the lovers. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, sur Fun Radio, bienvenue, 1h58. Allez, fin de l'émission là, on va se faire polo contre le reste du monde. Et puis on va revenir demain, nous aussi, hein, tranquille. On va se faire le top tweetos dans quelques instants également. Donc restez bien là pour ceux qui étaient présents sur Twitter ce soir avec le hashtag MIKL. C'est parti ? On y va ! On y va, allez hop là ! Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. En anglais, Polo against the rest of the world. J'espère que tout le monde va bien. On commence tout de suite avec le bug dans Polo contre le reste du monde. Le bug. Salut. Salut le bug. Le bug. Le bug. Le bug. Ah, je pense qu'il bug. Maman. Polo. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, qu'est-ce que je fais là? Je fais de la radio. Qu'est-ce que c'est cette émission de dépravé que tu fais? Bah, je fais une émission de radio. Je gagne ma vie comme ça. Oh là là là, elle va pas me saouler celle-là, je gagne ma vie là. Tu gagnes ta vie peut-être, mais tu pourras gagner un autre. Oh, allez, casse-toi. Monsieur le directeur. Oui, monsieur Polo. C'est lui-même. Ça fait une semaine que je n'ai pas fait de débriefing. Vous êtes... Bon, on n'a pas d'obligation de le faire, si. C'est mieux, hein, une fois par semaine. Hein. Ah bon. Et, mais pourquoi je faire dois remarquer que vous êtes reparti dans vos travers. Mais lequel? Émission non préparée, intro laissée à l'abandon, auditeur que vous envoyez, bah, la merde. En, et en surtout, même temps, et surtout, monsieur le directeur, vous voulez que je prépare quoi? Le plus important. Monsieur le directeur, on pourrait préparer, surtout, c'est de la libre antenne. Oui, oui, mais justement, hein, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais c'est surtout, du free fight. Et surtout, c'est le Facebook qui ne monte plus. Eh ben si, ah si, c'est si, le plus important. Bon, vous avez mal regardé, que parce que... Soyez mauvais à l'antenne, c'est pas grave. Monsieur le directeur, ça fait 5 minutes, on est passé à 2 millions. Oui, eh bien c'est peu, c'est trop peu. Bon d'accord, merci monsieur le directeur. Marvin. Oui, je suis déjà venu hier. Ouais, mais t'es... Ouais, et qu'est-ce que je t'ai dit avant-hier? Ben je repassais hier. D'accord, hier, mais... Je repassais aujourd'hui. Voilà, pourquoi? Et je... Mais qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière? Oui, parce que si je n'avais pas une bonne blague, j'étais banni. Voilà, réfléchis bien alors, Marc. Alice, dans Polo contre le reste du monde, 18 ans, Antibes. Bonsoir, ils sont là, il est là, Polo, il est là. J'ai 10 millions de fans qui vous écoutent, un petit message, Polo, pour toutes ces personnes. Est-ce que t'es en train de te foutre de ma gueule, toi? Un petit message, elles sont là, ouais, Polo, on t'aime. Allez, casse-toi, journaliste de merde. Le bug, le retour. Salut, Polo, est-ce que je peux avoir un pack? Le bug? Le bug? Ah, il a bugué. Maman! Oui, hein. En plus, tu m'as raccroché au nez comme ça pour faire... Je t'ai pas raccroché au nez, mais arrête. Oui, ça ne va pas. Je suis en train de bosser, je bosse là. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un travail de parler avec des abrutis si tu racontes de la merde? Écoute, c'est un travail, oui. C'est pas un travail. Si, c'est un travail. Oh là là là, qu'est-ce qu'elle m'a gonflé celle-là alors. Monsieur le directeur, le retour. Je pense que vous devriez écouter votre mère, elle a raison. Bon, et monsieur le directeur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, écoutez, il faut absolument que vous travailliez sur votre Facebook. L'audience, on s'en branle. Il faut vraiment qu'il y ait du monde sur le Facebook. Donc faites comme vos collègues d'autres radios, achetez des likes, faites ce que vous voulez, je m'en branle. Ah, mais c'est plus important, là. Mais l'audience radio, c'est plus important, on fait pas du net. On s'en branle, ça c'était avant, ça c'était dans les années 90, dans les années 2000. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sur Facebook, il faut qu'il y ait du monde, du like, du million et du million, même si tout est faux, c'est pas grave. D'accord, monsieur le directeur. Marvin. Oui, non, mais tu sais, Polo, quand on a un cerveau, ça permet de réfléchir. Raconte pas ta life. Essaye pas de placer ta blague en loose day, Marvin, t'as compris? Marvin, oui, non, mais... c'est qui le chef ici? C'est toi. Et redis-le, Polo, c'est toi le chef. Polo, c'est toi le chef. Merci, Marvin. Le journaliste, le retour. Il est là, ça fait des années qu'on l'attend. Voici, oh Polo. Là là là là, qu'est-ce qu'il est naze, celui-là. On va terminer le Polo contre le reste du monde. Le journaliste. On a un petit... Raccroche-toi au nez. Tu m'as saoulé. Raccroche-toi au nez. Enculé, à Baltringa. Raccroche-toi au nez. Je vais t'enculer. Le journaliste. Oh, Baltringa. Je vais te spermer à la gueule. Le journaliste, raccroche-toi au nez. Bon, c'est parce que je t'aime que je vais le faire. Bah, allez, vas-y, tu me fais plaisir là. Reviens demain, le journaliste, ça me fait plaisir. Le bug. Ouais, Polo, je veux ta bip, bip, bip, bip, bip. Au revoir, le bug. Maman, conclusion, s'il te plaît. Tu vas rentrer tout de suite. Attends deux secondes. Oh là là là là, qu'est-ce qu'elle m'a saoulé, celle-là. Monsieur le directeur, on va y aller, nous? Oui, alors je vous ai trouvé un site en Azerbaïdjan qui vous vend des likes pour pas trop cher. Donc je compte sur vous, achetez-les. Attendez, apparemment, ouais, pour 5$, vous pouvez avoir 150 millions de likes. Donc je compte sur vous, donc voilà, les auditeurs ensemble. Bah, vous payez avec ce que vous gagnez, vous faites le moins ou quoi? Je gagne pas beaucoup et je suis pas prêt de plus apparemment. C'est certainement trop par rapport à ce que vous abattez comme travail. Bon, donc, je compte sur vous, je repasserai la semaine prochaine, on fera un débriefing total, okay, et on verra où ça en est, d'accord, okay. Je prendrai ma décision de savoir si oui ou non l'émission continue. Ok, monsieur le directeur, au revoir. Au revoir. Oh là, qu'est-ce qu'il est chiant celui-là. Et Marvin, demain tu reviens. Tu vas faire ta blague demain, ok? Pourquoi pas ce soir? Parce que je préfère demain, c'est mieux. Pour parce finir que, bah parce que pour les... Parce, non, c'est la lune. Pourquoi la lune? La position de la lune, c'est mieux pour toi. Pourquoi? Parce que... Ah, tu verras demain, les cartes. Marvin, dégage d'ici, arrête de me gonfler. Maman, pour conclure, s'il te plaît. Bah arrête de hurler comme ça, ouais, d'accord, j'arrive. D'accord, allez, casse-toi. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui l'ont écouté, merci à ceux qui ne l'écoutent pas. Polo, un homme, une vie. Une voix. Et quelle voix? Une mission. Et oui, c'est ça, ouais, c'est effectivement une mission, oui, tout à fait. Bon, ben voilà, c'est terminé pour ce soir. C'est terminé pour ce soir. On va se faire le top tweetos maintenant, là. On va enfin voir et on va savoir quel est le meilleur auditeur de la soirée sur le Twitter, celui qui a été le plus influent avec le hashtag Mickaël. On va donc commencer par le numéro 5. Le numéro 1 repartira bien entendu avec un sextoy offert par passagedesir.fr. Sauf si le premier évidemment a déjà gagné, à ce moment-là on ira voir le deuxième, troisième et ainsi de suite. Numéro 5. Alors numéro 5, Emmanuel. Numéro 4, Kim Jong-un. Numéro 3, Balom. D'accord, numéro 2. Fred S34. Et numéro 1. Nadia Le Prince. Ah, qui a déjà gagné Nadia Le Prince. Donc oui, c'est Bodoum, je crois, qui n'a pas encore gagné là. Oui, il me semble, ouais. Me semble-t-il. Bravo Bodoum, même si t'as pas fini premier. C'est Balloum. Ah, c'est Balloum, bah oui, pardon. BAL, un O bizarre et M. D'accord, bah je sais pas si t'es un garçon ou une fille, mais quoi qu'il en soit, comme tu n'as pas encore gagné, eh bien c'est donc toi qui a été le mieux classé ce soir parmi ceux qui n'ont pas encore gagné, justement. Bravo à toi. Et on va se faire le générique de fin, évidemment. C'est ouais, parti. Suce ta bière de mer, toi le jambat. Tu suces des bitoffes, te suces toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Vers toi l'enculé. Car c'est toi qu'encule ton nom, que t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Et moi je te dis que toi t'es un con, un gros PD. Mais si t'es un gros PD, c'est un petit con toi. Tu te branles combien de fois par jour toi? Qu'est-ce qui se passe ici? Quand j'éjacule, c'est plein ta gueule, hein. Ah ouais, vas-y, t'en poses, Cléo. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Je vais t'enculer, maman. Comment te retrouver, on va te faire sauter, c'est trop pédé. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitoffes, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te fait enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ma bite. Voilà, en toute simplicité évidemment. Bon, eh ben, bonne nuit tout le monde là. On va se retrouver demain nous à partir de 23h pour la dernière de la semaine. Ah là là là là. Merci à Cindy d'avoir été là ce soir. Merci à Mickaël Apéro également. Il y avait Balom du coup donc hein, qui a gagné. Hein, bravo. Il y a l'ami 51. Il y avait Léa. Il y avait Kim Jong-un. Il y avait MIG10350. C'est ceux qui terminent l'émission avec nous ça forcément. Hein. Il y avait PLZ Follow Me Austin qui vient de débarquer. Drakit aussi. Johan, Yves Alexandre et puis tous les autres hein, qui étaient connectés ce soir. Merci à vous, vous avez encore été très très bons ce soir et vous le serez certainement demain encore meilleur. En tout cas, je l'espère. Bonne nuit tout le monde. Rencard demain, 23h pour la dernière de la semaine. Gros bisous, demain sera avec le canular. N'oubliez pas, si vous voulez gagner votre écran plat ou votre casque de DJ, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail pour faire un canular demain soir. mikl@funradio.fr. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, c'est parti pour l'arrivée de JB dans la radio. Comment ça va? Bah, ça va. Ah, t'as vu, j'ai une meilleure voix que toi. Ouais, et je trouve que t'as un gros micro. Ouais, oui, tu as vu un petit peu. Ouais, il est moins long que le tien. Hein. Oui. T'as vu? Ça, c'est sûr. Ah, ouais. L'échange de merde. Un gros micro. Hein. Voilà. Il dit même pas bonjour. Il dit, t'as vu, j'ai un nouveau micro. Bah oui, c'est normal. Ça, c'est le kiff d'un animateur radio, d'avoir un nouveau micro. Bah oui, attends, et surtout que je repars avec. D'ailleurs, je vais déjà commencer à le démonter. Hein. Non, c'est vrai. Ah si, je repars avec. Je confirme. Mais tu peux pas le tester? Tester quand? Le micro. Tester quand? Dès maintenant. Non, parce que c'est maintenant, pas maintenant. Ça n'existe pas, maintenant. Oh là là, t'as compris. Alors, viens par ici, puis tu vas faire l'intro, et puis après, je l'enlève. Ah ouais, mais ça, c'est son micro, il part avec. Vas-y, je sais pas faire l'intro. Allez, j'en batte, là. Ça m'étonne pas, tiens. Bon, on va se mettre quoi? Tu veux faire l'intro sur quoi? Ce que je veux, Nirvana. Ouais, en plus, c'est l'anniversaire de sa mort. Ouais, en plus, c'est vrai, il fait 20 ans, là, le pauvre. Alors, attention, on y va, c'est parti. Allez, hop, là. Eh, tu me touches la bite une fois, je te mets une patate, t'as compris? Attends. Bon allez, on se quitte, on revient demain nous. Je vous laisse avec JB, bah bon courage hein, et on va se. Non parce que c'est un peu trop court, hein, tu vas me faire de la merde. Allez casse-toi. Va plus loin là, va plus loin, va te mettre taille au crew, tiens voilà. Ah j'adore. Hey, je vais te mettre une patate mec, tu vas prendre cher, hein, tu sais qu'à tu vas voir. Bon allez c'est parti, taille au crew avec Break Your. Attends, j'avais parlé dedans. Allô, hey allô. Ah ouais. Ah et c'est mieux ouais. Bon allez on se retrouve demain nous à partir de 23h. Je vous laisse avec JB, bah bon courage hein. Il va tester mon micro, il va me le saloper. Putain je vais devoir le désinfecter toute la nuit. Il fait quelle taille Taïo Cruz? Et parle dedans, profite. Bah allez, un 2 Taïo Cruz break your. Il est vachement bien ton micro. Un 2 t'as cru que t'étais un rappeur ou quoi? 1, 2, 3 test. Bruno dans la radio à 6h et Taïo Cruz tout de suite. Ah ouais. Ah on le refait. Attends mais t'as alors, bien essayé comme bon, ça. Bon attends on le refait. Alors 1, 2, non mais c'est vachement bien. Bon, Taïo Cruz tout de suite, Bruno dans la radio à 6h. Et puis regarde là l'intro elle est trop forte, il faut que tu baisses un peu la musique. Je t'apprends à faire de la radio, Mickaël, si tu veux. Mickaël qui revient à 23h et Taïo Cruz tout de suite. C'est JB. Before I love and leave you.